Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Alors que dans bien des quartiers de la ville, la colère des manifestations résonne, que les ordures s'amassent suite aux grèves des éboueurs, Arkham City, il y a encore peu épicentre des instabilités, semble bien silencieuse. Les patrouilles du net se font maintenant plus fréquentes, les contrôles des papiers aussi. Les baraques croulantes, autrefois pleines à craquer de junkies ou simplement de citoyens plus que précaires, ont pour beaucoup disparu du paysage. À leur place, les chantiers poussent comme des champignons. Là où New Gotham est devenu le quartier actif de jour comme de nuit pour la jet set, les fêtards et la nouvelle petite bourgeoisie à la morale soi-disant développée, Arkham City, futur New East End, semble être destiné à être un nouveau type de quartier résidentiel où ce même public aura le plaisir de venir habiter et profiter des rues civilisées d'une ville pacifiée, progressiste, normée dans la modernité et sans accrocs. Vous, de votre côté, mes chers criminels, il reste encore à concrétiser cette prometteuse ascension qui semble vous avoir été promise par ce petit casse au musée Flügelheim, quand bien même la prise n'est pas aussi fameuse qu'elle aurait pu l'être. Plusieurs possibilités se portent à vous. Revendre directement en usant de vos contacts, ou faire chanter l'adjoint du maire, Israël Zimmerman, de par ses liens avec la fondation Pinckney de ce même musée. Que penser aussi de cette étrange proposition du hacker Ulysse, qui, en échange d'un service rendu, propose de vous offrir tout le quartier presque immédiatement. Il y a forcément Anguille sous roche, non? Mais peut-être. Quels sont donc vos plans? Vos priorités. C'est ce que vous allez devoir décider alors qu'une nouvelle fois, vous vous réunissez dans l'arrière-salle du Hour Alibi après quelques jours à faire profil bas. Bon. Comment ça va pour vous? J'aurais juste jamais dû arrêter d'un coup la drogue comme ça, en fait. Ouais, t'as... Bravo, Sherlock. Perpicacité. Ça te fait du bien, ça. C'était pas pour toi. Besoin d'avoir un cerveau en bon état. Ta merde, là, c'était pas possible. Heureusement qu'on leur a filé au net, ça. Non, là. Ouais. On va la revendre. On va la revendre à bon prix. Ouais. Enfin. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Est-ce que vous avez des suggestions? Vous voulez qu'on fasse chanter le gars ou pas? Ça serait mieux de faire estimer ce qu'on a en fait. Bon, enfin, après, si on fait estimer, on prend le risque de se faire griller. Ouais, c'est vrai que... Surtout, toi, pauvre, savoir lire le journaux. Moi, j'ai lu le journaux. J'ai lu, ça vaut rien ce qu'on a pris. T'as compris? Là, ici, soit ils ont été incompétents, soit ils ont menti sur leur compétence. Et ça, c'est inacceptable. Tu entends? Calme les journaux disent qu'on a pris que l'aide. Calme-toi, Marco. Merde. Marco, s'il te plaît. Moi, j'étais derrière les serveurs. Hein. on a réussi quelque chose malgré tout. Et même si on n'a pas chopé les meilleurs trucs du musée, ça reste quand même des trucs du musée. Donc, ça vaut quelque chose. Ça ne vaut pas rien du tout. Évidemment, c'est l'histoire de la ville qu'on a attaquée. Voilà, on peut voir ça comme un avertissement aussi, une marque de... On est capable de vous prendre des trucs, mais on les a pas pris. Ouais, mais tout le monde va s'en foutre maintenant, j'en suis sûr. Ben non. Si jamais moi... Non, je suis pas d'accord, Malgré tout, c'est un coup réussi, et mine de rien, on parle de ce qui s'est passé. Alors, ok, on en parle d'une certaine façon, mais... Je pense que c'est quand même intéressant et qu'on peut rebondir dessus. Moi, ça va. On s'en est bien sorti. Oui, voilà, j'ai raison. Elle a raison. Raison. Marco, ne t'énerve pas. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est fait. Vous contentez, petit succès. Vous contentez. Ce n'est pas un petit succès. C'est un succès en devenir. Je ne suis pas d'accord, Marco. Je pense que. On a les moyens de transformer ça en grand succès. Alors après, on peut être défaitiste et s'arrêter là et dire « Oh là là, c'est nul !» Ou alors, on peut simplement augmenter et finir par... Ou alors, on le braque une deuxième fois. Personne s'y attendra. Non, ok, d'accord. Même la musique s'est arrêtée au moment où j'ai dit ça. Je pense pas. Mais... déjà, effectivement, on peut déjà imaginer les possibilités qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et on peut tout à fait faire chanter l'adjoint. On a quand même une vidéo qui est présente et on a quand même volé des trucs chez lui. Donc, dans son intérêt aussi, c'est aussi de montrer qu'il peut retrouver les objets. Oui. Moi, je suis d'accord. Je pense que le plan marche encore très bien. Hein. Mmh. Il faudra juste faire une formation de filles pour les arts, c'est tout. Ou écoute... pour des braquages autres qu'un musée. Braquage de banque, par exemple. Là, je pense que à l'avenir, on va éviter les musées. Parce qu'en même temps, je pense pas qu'il y ait autant de musées que ça à Gotham. Mais oui, les prochaines fois, ça peut être une banque. Mais là, on va arriver à un niveau... déjà un peu plus élevé. Ça reste quand même un peu plus sérieux. On va pas rentrer dans une banque comme on rentre dans un musée. J'ai quelque chose à vous proposer aussi. Si jamais on voulait se trouver différents, peut-être sponsors, une alliance avec une autre mafia, si on leur fait comprendre, on n'est pas obligé de se présenter nous, mais on peut se présenter avec nos masques, qu'on leur fait comprendre que c'est nous qui avons braqué le musée, même si le butin n'est pas si énorme, c'est plus la symbolique et le casse qui leur importe, ça nous donne quand même un certain poids, et ça, c'est pas négligeable. Donc on pourra toujours avoir leur confiance, on a un petit peu de la street cred maintenant. C'est vrai qu'on est rentré facilement. J'ai juste une chose à vous dire, parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire « Oui Marco, tu es défaitiste, oui Marco, non c'est pas bien, on a réussi, on est très bien ». Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pris des villages, j'ai pris des villes, des quartiers, des régions, des départements. Et pourquoi j'ai réussi? Pourquoi j'ai réussi à faire ça? Parce que moi, j'avais l'organisation. J'avais un complexe, une mécanique, des miliciens aussi derrière toi, non? J'avais une organisation qui était rodée. Là, il faut être pas défaitiste ou voir que le verre moitié vide plein, je sais pas quoi. Il faut faire état de quelles sont nos faiblesses réelles. Et il faut faire état que c'est un vrai dysfonctionnement qu'on a eu. Et ça ne doit pas se reproduire. Alors, oui, je veux bien, oui, c'est très bien. On peut que ça nous embête mal. Et si jamais on ne corrige pas ça, vous voulez prendre une bande d'assaut. Vous voulez prendre une bande d'assaut. Moi, j'ai pris des villes, je vous dis. Je vous dis, aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre. Je crois qu'on a compris, Marco. T'inquiète. D'accord. Va te prendre pas votre cas, là. Va prendre votre cas. Maintenant, il faut qu'on décide ce qu'on fait de ce qu'on a. Soit on essaie de le revendre, et je pense que même si on peut en tirer quelque chose, on va peut-être pas en retirer plus, enfin autant qu'on le pensait. Alors que je pense qu'on peut gagner plus en contactant l'adjoint et en le mettant en porte-à-faux par rapport à ce qu'on a volé et par rapport à ce qu'on a comme info sur lui. Et là, il pourrait lâcher plus que la vraie valeur de ce qu'on a volé, pour plein de raisons que possible. Mais je suis pas sûr que ça marcherait. Parce que même si homme politique, après États-Unis être rigorade, hein, mais corruption, tout ça, détournement d'argent, peut-être qu'il en a. Mais on est d'accord que c'est pas Bruce Wayne, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas s'il aura autant d'argent nous proposer. Pour nous, il en aura beaucoup, pour nous, aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il aura vraiment 5 000 dollars à nous donner, tu vois? Moi, je pose la question. Je pense que Marco, il n'y aura pas que de l'argent. Peut-être qu'il y aura des services aussi. C'est ça, on aura plus d'accès. Franchement, si jamais, imagine, c'est un politicien, c'est-à-dire qu'il déclare tous ses frais en frais de note publique, tout est payé par son boulot. Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, il a zéro salaire, $1, Ce que je trouve intéressant, moi, plutôt, de prendre l'argent, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut essayer. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est... De toute manière, on aura l'argent, on aura une partie de l'argent du coffre de Gotham, mais il y aura aussi on pourra échanger, si on n'a pas envie d'avoir beaucoup trop d'argent pour le moment, on peut avoir des services. Oui. Le joueur, il sera obligé de donner des services. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais oui, mais moi, ce que je vois, c'est Bruce Wayne, il a dit, ce sera lui le prochain maire de Gotham City. Parce que je crois qu'il y aura élection bientôt. Eh bien, moi, je pense que je peux être le prochain maire de Gotham City. Et donc, je pense que si jamais on fait en sorte de... Alors Marco, tu as de l'ambition, mais ne va pas trop loin non plus. Sache que notre business, l'avantage, ce qu'on voit de notre business, c'est un business genre discret, puissant, mais discret. Si tu deviens maire de Gotham, tu ne seras plus discret. Tout le monde te verra, tu seras au centre de tout. Le moindre truc entre les gens qui vont essayer de te faire tomber... Et ceux qui vont lécher les bottes, tu seras une personne plus qu'importante. Et tu vas mettre la lumière sur nous. Et ce qui sera autour de toi. Donc, ce n'est pas très intéressant, finalement. Nous, on veut être puissant, mais on veut être invisible. C'est le but. Mais après, là où je pense que tu te trompes, Marco, c'est que malgré ce que tu penses, je pense que l'adjoint a plus d'argent que ce que tu penses. Et même s'il n'en a pas forcément autant que Bruce Wayne, puisque personne n'a plus d'argent que Bruce Wayne de toute manière, eh bien, s'il le faut, ce sont des gens qui arrivent à détourner des fonds, qui arrivent à utiliser l'argent du contribuable pour leurs propres intérêts. Donc, si il n'a pas assez d'argent, il ira piocher l'argent là où il en a besoin. Donc, honnêtement, moi, je voyais plutôt un truc de utiliser notre erreur et la faire tourner comme quelque chose de prévu. C'est-à-dire que on n'a pas volé les choses qui étaient importantes. On a même, de ce que j'ai compris, abîmer peut-être une des œuvres les plus importantes de la ville pour lui montrer qu'on est capable de faire ce qu'on veut et que et qu'avec les infos qu'on a, c'est-à-dire les vidéos sur lui, eh bien, on le tient, littéralement. Donc, en gros, s'il ne nous donne pas ce qu'on veut, eh bien, on va lui faire très mal. Mais vraiment. Là, c'était juste une manière de lui montrer ce qu'on est capable de faire et qu'on n'avait pas besoin de prendre les plus grandes œuvres de Gotham, puisque finalement, on le recontacte par la suite en lui demandant quelque chose pour lui montrer. Donc, finalement, le message sera passé. Par contre, il faut être convaincant et lui faire comprendre que on a les moyens de le faire tomber et de faire tomber tout ce qu'il a fait avec ce qu'on a pour qu'il lâche tout. Alors, j'aimerais faire une petite recherche, quitte à laisser les autres ensuite parler pendant ce temps-là, ou même poser la question à tout le monde. Hein, mais... c'est qui l'adjoint au maire? Et c'est quoi sa place par rapport à Quincy? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Ses activités professionnelles, son orientation politique, est-ce qu'il vient de l'asile d'Arkham lui aussi? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Qui c'est l'adjoint? C'est Marco, les gens qui vivent dans Gotham ne viennent pas tous de l'asile quand même. Enfin, j'espère que tu t'en rends compte. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais le putain de maire, c'est l'ancien directeur de l'asile, donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'il vient aussi de l'asile. Ah, oui. Oui, si jamais t'étais pas tout le temps, hein, tu le saurais, ça. Bah, techniquement, c'est toi qui peux le savoir, JB. Oui, t'as normalement, de par tes compétences, le pouvoir de savoir qui il est. T'inquiète. Si vous voulez, je peux partir maintenant à la mairie, il n'est pas trop tard. Je passe pour un informaticien et je vais avec son ordi et tout mon serveur pour savoir qui il est vraiment. Ça pourrait être bien. Ou on cherche juste sur Facebook et vu que c'est un abruti comme tous les autres, il met tout sur son Facebook. Bon, je pense pas quand même. Quand t'es maire de la troisième ville des États-Unis, maire adjoint. Aux États-Unis, ils sont tous un peu cons, hein, mais t'inquiète, tu t'y feras. C'est vrai que quand j'ai vu votre ancien président, j'ai dit « C'est pour ça, je pense que je peux me faire élire. Ça peut marcher. » Vous avez vu. Et du coup, MJ, qu'est-ce qu'on sait, nous, de l'adjointe du maire? Pour des questions, quitte à faire un G, j'en sais rien. Ce que vous savez déjà de manière très publique, c'est que donc, l'adjoint au maire, donc Israel Zimmerman, est un politicien qui est un républicain. Après, pour ce qui est d'en savoir plus sur sa carrière et tout ça, je vais demander à ceux qui veulent rechercher là-dedans un G en culture gothamite. Combien de culture? Ouais, pour regarder ta fiche qui est dans ton salon. Je vais arrêter de vous envoyer vos trucs parce que là, hein, faut voir vos fiches sous les yeux. J'ai fait 39 et j'ai 40. Ok. Je sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient jeter le dé, donc dites-moi si c'est le cas. Hein. Ok, bon, a priori. Culture gothamite, hein. Oui, culture gothamite. Zéro. Y'a personne qui a des points en culture gothamite qui veut bien faire un petit jet Mm-hmm. Bah, moi j'en ai fait. Hein. Ouais. Des points, moi j'en ai, mais si en fait de manière IRP, je crois que c'est pas sur ça que je me concentrerai. Donc en fait. Si vous voulez chercher des choses, disons, plus officielles, c'est-à-dire des choses vraiment que tout le monde pourrait savoir en cherchant et tout ça, vous pouvez me faire un G avec politique. Il me semble que j'ai politique sur cette fiche. De mon côté, en culture botanique, j'avais 15 et j'ai fait 82. Donc je suis sur une aussi bonne session que la dernière, visiblement. Moi j'ai zéro dans les deux, que ce soit en politique ou en culture gothamite, donc ça... Non, en culture gothamite, j'ai 40 et j'ai fait 39, comme je t'ai dit. Mm-hmm. Ouais, je suis né à Gotham, et j'y reste. Donc, à partir de ces résultats-là, disons que, vous savez donc que c'est un républicain, il a fait la campagne avec Quincy Sharp directement de son premier mandat, quand Quincy Sharp était encore un candidat républicain, vu que maintenant il est candidat, enfin il est maire démocrate, pour son second mandat. Il a fait la campagne avec lui, et c'est un des rares républicains à être resté à ses côtés, vu que depuis il a changé un peu toute son équipe, et ils ont pas trop aimé le fait que... Le mec se fait élire en tant que tel candidat et il change de camp. Donc il est resté avec lui, et avant ça, Israel Zimmerman avait a une longue carrière politique en réalité, hein, c'est un des hommes les plus bien installés dans le milieu, pour ce qui est de Gotham City. Il a connu beaucoup de maires, il a toujours été un peu dans leurs administrations et tout ça, rarement aussi haut qu'adjoint au maire, hein, il n'a jamais été aussi haut, mais il a toujours été un peu... Et semblerait, jusqu'à présent, il n'a jamais eu d'autre chose que des accusations, mais jamais prouvées, d'affaires un peu étranges ou autre chose. Chose qui lui valait d'ailleurs une image d'un des hommes les plus sûrs dans la politique de Gotham, vu que jamais rien n'a été prouvé, contrairement à 90% des politiciens de Gotham City. Et du coup, on ne sait pas par exemple... Il n'y a pas de conflit entre Quincy Sharp et lui, vu qu'ils sont plus la même étiquette, ou ce genre de choses, du moins publiquement, on n'en entend pas parler. Eh bien, en fouillant un peu, vous pouvez trouver des histoires comme quoi il y a eu des désaccords, notamment justement au moment pile où Quincy Sharp a décidé de changer d'étiquette, où lui-même avait parlé du coup de le laisser tomber, chose qui n'a pas été faite. Et encore très très récemment, en réalité, par rapport à un certain casse d'un musée, il semblerait qu'il y ait eu des tensions un peu entre les deux à cause de cette affaire-là. Tout simplement parce que le maire, Quincy Sharp, est dans une situation un peu instable en ce moment, avec les manifestations qu'il y a, avec les grèves, avec les mille et une catastrophes qu'il y a eu avec ces deux mandats. Et le casse au musée qui est un peu dans le précaré de son adjoint, ça l'a fait mal qu'il y ait encore une mauvaise affaire qui se passe, encore près de son cercle d'amis et de collègues. Okay. Vu que je rappelle que M. Zimmerman est donc un des membres, si ce n'est peut-être même le président de la fondation Pinkney, la fondation avec de l'art, de l'architecture et tout ça, qui finance le musée. C'est ça. D'où son importance de pouvoir rapidement, même si c'est pas les plus œuvres les plus importantes, de rapidement pouvoir dire qu'ils ont été capables de les retrouver. Ça ferait du bien aussi au maire de montrer que la police de Gotham est efficace et du coup de trouver des boucs émissaires tout dégueulasses, on s'en fout, et retrouver les œuvres. Ils arriveront toujours à se démerder. Mais c'est pour ça que l'argent peut être rapidement débloqué et si on est convaincant. Parce que très vite, ils pourront. Maintenant, il faut trouver la stratégie pour l'approcher, avoir un rendez-vous en privé avec lui. Et voilà. Donc, ça ne va pas être des plus faciles. Je pense... On peut regarder l'agenda de la ville. En général, tu vas sur le site de la mairie, il te dit tel jour, il y aura tel déplacement, machin, truc, véhicule. Ou même tu regardes le journal. Et donc, sur un truc bien public, où il vient couper un nœud de nouveaux bâtiments, ou parler avec Brévist, je ne sais pas quoi, voilà. Eh bien, on lui donne une note, un livre, un truc. Bon, normalement, il les jette, mais genre... il faut qu'il y ait premier truc, dès qu'il l'ouvre, dès qu'il le regarde, il y a noté dessus, nous avons une vidéo de vous en train de machin, si jamais vous venez pas nous voir, on lui donne rendez-vous à travers cette note. Lui, ou je sais pas, j'espère qu'il viendra lui, mais peut-être qu'il enverra seulement un de ses hommes de ça, je sais pas. Il lui donne rendez-vous dans elle, sombre, truc, voilà. Nous masquer, du coup, parce qu'il ne faut surtout pas, je pense, qu'ils voient nos vrais visages. Je pense que ça va de soi, hein, mais voilà. Donc, on lui dit, c'est nous qui avons cambriolé, tu travailles pour nous maintenant, on veut de l'argent et on va te rendre les tableaux. Comme ça, tu fais, voilà. Mais à partir de maintenant, t'es marionnette à nous. Alors, c'est quoi? Je vous propose un truc qui va dans le sens de Marco. Il faut qu'on sache à un moment donné où il va se déplacer dans un endroit où il y aura du monde, donc vite pour une cérémonie quelconque. JB, tu feras en sorte de hacker son téléphone maintenant avec tous les trucs, et on fera avant ça, on va faire une vidéo avec l'un d'entre nous qui va se mettre. Alors, on pourra imaginer un décor avec en fond le logo des Black Mask, un masque et une voix déformée qui lui dit voilà, en lui disant voilà, c'est nous qui avons volé dans le musée. Si tu veux récupérer l'ensemble des œuvres et notamment une vidéo qui te met en défaut, on organise un rendez-vous et c'est nous qui fixons le rendez-vous, mais on va pas lui donner tout de suite. On le recontactera plus tard. Et donc là, du coup, ça va forcément le piquer l'intérêt. Et du coup, bien sûr, ne contactez pas la police, le machin, sinon cette vidéo sera balancée sur Internet. Et limite, tu peux mettre un tout petit passage, vraiment de quelques secondes de la partie qu'on a avec cette fameuse vidéo qu'on a trouvée sur le CD, pour qu'ils comprennent que c'est pas du chiqué, qu'on n'est pas en train de dire des conneries, tu vois. Et là, je pense qu'il sera à notre écoute. On lui laisse un petit peu réfléchir là-dessus, comme ça, il stresse un petit peu. Et on le recontacte à un moment où on décide de le faire venir. C'est maintenant, tout de suite, genre à 2h du matin, il était en train de dormir, il faut se retrouver à tel endroit. Et c'est là qu'on viendra avec nos combinaisons, tout habillé. Et il faudra qu'il vienne seul, évidemment. Voilà. Après, on pourra placer certains d'entre nous à des endroits stratégiques pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes. JB, tu pourras vérifier s'il n'a pas un émetteur sur lui ou quelque chose qui puisse être un truc pour écouter ou pour filmer. Et après, on l'emmènera avec nous dans un fourgon et on l'emmènera où on veut, cagoulé. Et on ira discuter là où on veut. Non, mais sérieux, il faut qu'on fasse pro. Ça, c'est pro. Le gars, il va pas blaguer, quoi. Il faut qu'on ait l'impression. Je pense sincèrement qu'il se laissera pas rentrer cagoulé dans quelques véhicules et qu'il sera pas promené comme ça. Ça reste l'adjoint au maire. Je pense que là, ça va être un risque incroyable de faire ça. Je pense qu'il y a moins. Vas-y. C'est même pas si on va réussir à le faire l'entrée sans garde du corps, quoi. Ça aurait rencontré. C'est ça. Ça pourrait c'est-à-dire dire que... des gens qui veulent le buter. Qu'on pourrait être juste ça, quoi. En plus, il mettrait sa vie en danger. Enfin, non, là, je pense que c'est quand même assez infaisable de lui demander de se mettre à ce point à défaut, en fait. On peut essayer. Maintenant, après, on avisera à ce moment-là. Non, mais jure. S'il voit qu'on a des choses vraiment compromettantes sur lui qui peuvent vraiment le faire tomber, lui qui est toujours passé entre les gouttes, voilà. Non, je suis d'accord, mais après, tu vois, justement, tu veux qu'on fasse pro. Est-ce qu'être pro, c'est pas justement arriver avec le bon argumentaire qui le met à défaut, quoi qu'il arrive, et qui le laisse pas pouvoir dire non? Le problème, c'est que si on en demande trop, à un moment, peu importe la pression qu'on mettra, il finira par dire non parce que... Après, on n'a encore rien demandé. On met juste dans une situation de stress parce qu'il faut qu'il dise oui, en fait. Donc, à ce moment-là, on n'aura juste rien demandé. C'est juste un protocole de sécurité pour nous, pour nous mettre, nous, en sécurité. Et que nous, notre intérêt, c'est de faire de la thune. Donc, on lui fera rien. On peut déjà lui dire... qu'il lui arrivera rien. Ce qu'on veut, c'est juste de la maille, quoi. Quel serait notre intérêt de le buter, l'adjoint au maire? On n'aura rien à gagner. Oui, mais lui, il n'en sait jamais. Bah oui, mais c'est ça, c'est lui, il n'en sait rien, tu vois. Genre, mais enfin, non, enfin, genre, je pense qu'il faut un entre deux. Il n'y a pas besoin, je pense, de tout ce que tu fais. Et moi aussi, j'aime bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on ne fasse plus amateur. Il faut qu'on ne fasse plus les erreurs comme il y a eu là. Ça, c'est inacceptable. Mais de là à faire... Enfin, tu vois, un truc tellement compliqué que même là, je pense qu'on en aurait difficile. Enfin, on pourrait le faire, mais vu comment vous avez fait là dernièrement, moi, je ne suis pas sûr que vous réussirez. Juste on lui donne rendez-vous. Oh, l'organisation était bonne. Le choix des œuvres était mauvais. Mais l'organisation était carrée. On a tout fait comme le choix des œuvres n'était pas si mauvais que ça. Je tiens à le rappeler que il y a quand même une bonne valeur marchande derrière. Ok, c'est pas parce que ça me plaît que c'est cher. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Oui, non, puis, si je peux me permettre, alors déjà, ça va, il y a quand même des bonnes valeurs. Et ensuite. C'est chiant vos trucs d'art là. Comment tu peux savoir si ça a une valeur ou pas là, comme ça, quand c'est des tableaux Je t'ai dit, moins il y a de couleurs, mieux c'est. Plus c'est blanc, plus c'est beau. J'ai pris un truc blanc là. Bon. C'est pas ma faute. Bon, ok. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà. L'idée, elle est là. C'est d'utiliser un moment où il sera dans une cérémonie pour hacker son téléphone, balancer une vidéo qui lui dit qu'on est sérieux, et donc avec un tout petit extrait de ce qu'on a, nous, sur lui, et de lui donner rendez-vous plus tard, et qu'on contactera plus tard, donc dans la nuit, en pleine nuit, pour se retrouver quelque part. Voilà. Il va y avoir tous les sites de Gotham qui vont nous attendre. On lui fait notre demande. Une fois qu'il a compris qu'on est sérieux, on fait un visio, et puis on l'appelle avec notre masque et tout. Putain, on pourrait faire ça aussi. Mais j'avoue, parce que tu disais, effectivement, il a raison. Si jamais on achète matériel pour aménager dans cave, truc audiovisuel, là, fond vert, je sais pas quoi, lumière, et puis, eh ben, on peut le faire à distance. Et puis, je suis sûr que Jean-Baptiste, il peut faire en sorte qu'on nous localise pas. Puis, ben, du coup, pas de trace, rien du tout. C'est possible. Après, aussi. C'est vrai que psychologiquement, c'est... Enfin, moi, j'ai fait du management de personnel poussé, on va dire, et effectivement, quand on veut manager quelqu'un comme ça, c'est mieux psychologiquement de le voir physiquement. Aussi. Mais on pourrait faire ça dans un deuxième temps, quoi. Ouais, ok. Ben, dans ce cas-là, si vous voulez, je suis un peu old school, moi. Je suis de l'ancienne école. Mais bon, voilà, les jeunes, j'ai bien compris que vous êtes à fond dans les nouvelles technologies. Moi, il n'y a pas de problème, si vous voulez, on fait ça à votre sauce. Le seul truc, c'est qu'il faudra être sûr qu'on se passe par remonter jusqu'à nous, c'est tout. Moi, j'ai une autre idée aussi. Vas-y. Pour bien mettre la pression aussi, psychologiquement, ce que certains hackers font aussi et s'amusent à faire, et ce qu'on s'amusait à faire dans les triades, c'est envoyer un mec déguisé comme un gars d'informatique, et il laisse une lettre sur le bureau de la personne avec une signature, mais que ce soit pas reconnu, quoi. En gros, on pourrait laisser une lettre avec un message dessus, avec nos initiales Black Mask. Comme ça, on pourrait lui montrer psychologiquement qu'on peut l'atteindre jusqu'à son bureau. Et après, retrouver là où il habite et le faire là où il habite aussi. Par contre, si tu fais ça, il faut être sûr qu'à aucun moment, on te voit. Parce que forcément, tu ne pourras pas rentrer dans le bâtiment avec un black mask sur la tronche et te déplacer dedans. Donc, ça veut dire que tu vas être visuellement avec face, ta face. Ouais, mais c'est justement ce qui est intéressant. Regarde. Ils peuvent m'attraper, ils vont me dire « Vous faites partie du black mask ?» Et je vais dire « Non, on m'a payé pour... » Ouais, enfin, on a affaire, je pense, à des gens qui peuvent... Mais sinon, est-ce qu'on prend et qu'on se trouve un masque de Batman? Non, ou alors, si, on peut faire un truc. Non, sinon, on peut faire un truc, on peut faire livrer la lettre. Tu vois, n'importe quel truc, tu la postes, elle va arriver sur son bureau. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'a pas une secrétaire qui doit ouvrir son courrier pour lui? Bah, même si elle fait ça, même si ça arrive, elle va l'ouvrir et elle va dire « On a reçu ça ». Ouais, mais ça serait bien qu'il dans la conférence. Non, je sais. J'ai une idée. Vous savez, on écrit la lettre de la part du président des États-Unis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, Du coup, moi, ce que je vous propose, vu que vous savez très bien que j'arrive à me cacher et à faire des bons déguisements, à me déguiser, pour qu'on ne puisse pas me reconnaître au niveau de mon visage, je fais le mec qui travaille, je les pirate et je viens en disant « Bonjour, je suis l'informaticien que vous avez appelé, je viens réparer », je leur pose la lettre sur le bureau du maire. Écoute, si tu te sens de le faire, moi je suis nul en déguisement. Moi je me sens de le faire. Honnêtement, j'aime bien quand on fait des plans, j'aime bien quand on planifie, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu compliqué par rapport au plan où tu utilises déjà tes capacités, tu lui envoies juste la vidéo et puis voilà, et on lui donne rendez-vous. Je pense parce qu'il faut c'est faire simple. En psychologie, je pense que au pire, on dit on garde le rendez-vous physique, pas besoin de l'emmener cagoulé ou quoi, je sais pas quoi. Juste rendez-vous physique dans un entrepôt qu'on loue avec autre nom et il rencontre soit tout le monde d'entre nous, soit une seule personne masquée et puis voilà, et ça suffit. Ouais, moi à l'ancienne, et que si jamais il nous double, eh bien la vidéo qu'on possède ira directement sur la toile et inondera partout, ce qui mettra fin à sa vie politique, voire plus. Moi, je vote pour ce plan. Qui est pour le problème, c'est que moi, je vote pour. Moi, je suis pour la vidéo, mais je me plie à ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si on envoie une vidéo, même ils pourront à un moment donné remonter sur nous. Et ce que je vous proposais, en plus de ça, on peut rajouter une clé USB où il y a notre vidéo, qui est intraçable, et ils savent pas d'où ça vient. Mais comment tu veux qu'ils remontent sur notre vidéo si on lui envoie une vidéo? Mais oui, au pire, moi je sais, même moi qui suis pas informaticien, je sais, j'ai juste acheté un téléphone portable prépayé, et puis bah voilà, oui d'accord, cette vidéo est envoyée depuis un téléphone portable prépayé. Bravo, ça m'avance beaucoup. Et puis attends, c'est ton boulot tout ça, JB, le hack de téléphone, le logiciel espion et tout ça. Tu vas pas me dire que c'est pas possible? La vidéo n'aura pas plus d'impact psychologique sur lui. Si vous voulez faire pression sur lui. C'est une petite preuve. Pardon. C'est-à-dire juste à piquer le truc pour qu'il... En plus, on met un bout, on met même pas tout, on met juste un tout petit bout pour qu'il sache qu'on en est. Concrète, c'est quand on lui dit en physique ou en vidéo, il est autant dans la merde. Ça influe un peu la forme, mais ça change pas le fond. Oui. Allez, de toute façon, on a dit qu'on était 3,5 à peu près pour. Donc Jean-Baptiste. Ouais, Ruby, elle est compliquée. Donc je propose qu'on acte, parce que notre groupe fonctionne comme notre grand pays. Comme une démocratie, et donc la majorité a tranché que c'était... Bravo. Voilà. Tu as tout compris aux États-Unis. Oui. Une belle démocratie où les gens choisissent vraiment. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la proposition, j'ai fait taire Jean-Baptiste, et puis il n'y a que moi qui décide. Voilà, tu as tout compris. Eh bien, allons-y. Préparons tout ça. Donc maintenant, il faut distribuer et planifier le travail. C'est ça. Bon. Déjà, il nous faut... Ah putain, il nous faut... Bon, on n'a plus beaucoup d'argent, mais... Il nous faudrait... Bon, au pire, on bricole, mais il nous faut matériel pour... Enfin... Je peux appeler mes contacts... Mes contacts à moi, tu peux m'amener du matériel ou pas? Non, mais c'est juste... Je pense qu'on a ce qu'il faut pour filmer et tout. Pour, oui, filmer un fond vert, c'est pas non plus... on n'a pas besoin d'un truc qui soit digne des films de Hollywood. Hein. Même un truc là, comme ça, là, comme on fait, c'est suffisant. Hein. Il a dit quelque chose très bien. Il a dit, il nous faut un logo. Donc, tu vas recruter... graphiste stagiaire et lui faire dessiner le logo gratuitement pour nous. Ok. Parce qu'on n'a pas besoin pour le payer. Donc tu lui dis que on le payera. Voilà, après, il faut le tuer, c'est ça? Parce qu'il aura fait le logo. Si après il le voit dans toute la ville, il va se dire, attends, c'est eux qui m'ont demandé de faire ce logo. Non, mais t'inquiète pas, je connais, il y a un site, ça s'appelle Fiverr. Tu fais travailler des Pakistanais et des... Et puis bon, tu payes $1 et il te fait le logo, il n'y a pas de problème. T'inquiète. Ah non, mais ici, on est du mal. Hein. Si tu le dis. Donc, toi, engager Fiverr pour faire le logo, engager Pakistanais, Indonésien, et puis voilà, pour faire le logo immédiatement. Ruby, tu t'occupes faire mise en scène vidéo. Qui c'est qui va dans vidéo du coup? Bon, il y a le masque, mais. Tu fais plus peur avec le masque contre nous quatre. Ouais, je vais le faire. Pas trop reconnaissable. Ouais. Puis, c'est okay. Bien. Puis, voilà. Yasmine, qu'est-ce que tu pourrais faire? De toute façon, moi, je sais pas quoi faire là du coup. Bah, au pire, on fait tous les trois, mise en main, mise en place, mise en scène. Et puis, voilà. Toi, tu t'occupes aspect technique, Jean-Baptiste, tournée, tout ça. Puis tu me recrutes ce Pakistanais en parallèle, ok? Après, je pense que quelqu'un d'entre nous peut essayer de se renseigner sur l'agenda de l'adjoint pour savoir quel événement on pourrait utiliser pour faire ce qu'on veut. Ok. Est-ce que tu pourrais t'en charger, Yasmine? Ouais. Tu regardes Internet, les médias, tout ça, voir s'il y a un peu de déplacement prévu. Le plan étant établi, je pars du principe donc que vous vous mettez à travailler là-dessus, chacun avec vos rôles. Je vais vous épargner d'aller chercher des caméras, des écrans et ce genre de choses. Ça se fait facilement, chacun a des petits contacts, par-ci, par-là. Un petit billet. JB, s'improvise réalisateur de rien du tout, parce qu'il n'a jamais fait ça, mais il s'inspire comme ça. Vous contactez un type pour lui faire des logos que vous paierez en visibilité, sûrement, aux infos. vous finissez donc par avoir tout ce qu'il vous faut pour tourner la vidéo. Je vais seulement demander un seul jet et il sera du côté de Yasmine. Pour ce qui est de la bureaucratie. Bien sûr. Est-ce que je peux switch? Non, mais juste comme ça. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec mes caractères, hein, c'est juste pour voir si je peux switch comme ça. Genre. Non, mais c'est pas grave, je vais faire avec les compétences de Yasmine, mais il faudra pas pleurer, quoi. Du coup, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi on m'a mis sur ce poste-là, en fait? Il y a personne d'autre qui s'en sort en bureaucratie. Peut-être on peut encore changer. Bah, après, je voyais pas ça comme de la bureaucratie. C'est simplement regarder sur Internet Ouais, ça négocie. Non, mais c'est genre, j'imagine qu'il devait avoir sur Internet un programme de... Il y a eu une cérémonie de bidule. Enfin, n'importe quel pélos peut aller sur Internet, regarder s'il y a une cérémonie un tel ou un tel. Voilà. Du coup, on peut faire un test de baratin. Moi, ça me va. Genre, il faut pas hacker Nous sommes à l'ère des fake news dans une ville où il y a des millions de gens qui font des manifestations, qui a des grèves et tout ça. On raconte tout et n'importe quoi. Et si ça se trouve, l'agent au maire, il ne fait même pas de déplacement. Il y a que le maire qui en fait. Alors, s'il vous plaît, il va falloir fouiller. Alors, c'est bureaucratie ou c'est informatique. Je vous laisse le choix. Je laisse le choix à Yasmine entre les deux. Ok. Alors, entre 5 et 5, je choisis 5. Ok, très bien. Alors, tu te souviens de 95? Attends, tu te souviens mon jet à 0 où j'étais en mode si je fais une petite réussite, même si c'est un échec, ça peut aider. Et j'ai fait genre 93, un truc comme ça. Bah là, je vais faire 5 et j'ai fait 92. Donc il n'y a vraiment aucun moyen de sauver le truc. Pas mal. C'est un échec critique, c'est vraiment tu sais rien, quoi. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est vous arrêter de nous demander des trucs. Alors, non mais techniquement, je pensais pas. Laissez-moi faire ce que je sais faire, c'est-à-dire parler et baratiner les gens. Arrêtez de me demander de me renseigner. Stop. En accord avec ces résultats, je peux vous donner deux options que Yasmine vient de trouver en cherchant sur Internet ou ce genre de choses. Elle a trouvé deux solutions. Il y a la première solution, c'est la Jourmère va bel et bien se déplacer très rapidement, dans pas longtemps, à un endroit bien précis, c'est le musée Flügelheim, vu qu'il va s'y déplacer justement pour la presse, ce genre de choses, par rapport à ce qui vient d'être raconté avec ce qui a eu lieu avec le CAS. Donc il va être présent au nom de la fondation Pinkney. Maintenant, il va y avoir beaucoup de gens, il va y avoir des caméras partout, va y avoir, c'est le lieu du crime directement. Ça peut être assez chaud. Seconde option, la seconde option, c'est qu'il n'y aura pas d'autre possibilité pour aller le choper à l'extérieur. Il va falloir aller directement soit chez lui, soit à son bureau. C'est mieux la deuxième option, parce que si on se fait cramer la première option, c'est fini. Ouais. Et on est trop petit, on aura beau avoir une grosse organisation sur ce genre de choses, ça va être impossible. Non, j'ai une idée. Vas-y, Pi. Tu m'as dit que tu disais que il y avait plein, il y aurait plein de journalistes, plein de caméras, plein de machins pour filmer le l'adjoint qui va machin. Est-ce qu'on peut pas se faire passer pour une équipe de journalistes avec genre la caméra, le gars à côté genre qui peut avoir son micro, ce sera des journalistes parmi tous les journalistes qui vont être dedans. J'imagine qu'il va pas se mettre à l'intérieur mais qu'il sera à l'extérieur du Flügelheim, genre comme ils font d'habitude, c'est en front de trucs, il aura un vieux podium dégueulasse et il va faire oui donc genre tous les journalistes seront en bas des marches en train de filmer et donc du coup tu peux avoir tout à fait un caméraman, une personne qui tient un micro comme ça et parmi nous JB qui envoie un message, qui hack son téléphone et qui lui envoie le message. Après, vu qu'il sera en plein speech, il va pas le regarder à ce moment-là. Il va peut-être le sentir ou il a peut-être son téléphone qui est posé dans son bureau, je ne sais où. Et il le verra qu'une fois son speech fini et tout le monde parti. Ça peut être un truc. Et puis ça peut être un beau pied de nez parce que ça arrive à l'endroit où ça s'est passé, tu vois. J'ai peut-être une idée. Enfin, désolé. Hein. Parce que en fait, je pensais juste que le problème dans tout ça, c'est qu'il faudrait sans doute une accréditation presse, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le problème. On peut essayer de s'introduire, mais si jamais il y a garde du corps qui vient, qui fait « Eh, mais vous êtes qui? Vous avez carte presse, tout ça ?» Ben on a un pirate informatique avec nous, non? Qui peut hacker, oui, mais... qui peut hacker, nous donner des identités de journalistes. Tu veux hacker le New York Times, si tu veux. Ça peut peut-être suffire, hein, mais... Après, je pense tout plein de journalistes, ça fera... Il n'y a rien de bizarre, quoi. Genre, nettoyeur, ou je sais pas, ou Dieu, tu pourrais dire, bon, c'est bizarre, mais là, c'est juste un mec qui porte une caméra et qui fait ça. Il y en aura J'ai une idée, c'est que... vous savez, en ce moment, il y a manifestation. Le maire, il est très en difficulté. Il a problème, tout ça. Il n'est pas très populaire. Et si nous, on crée un compte sur réseaux sociaux, les entrepreneurs avec Quincy Sharp, ou genre comme ça, et on essaye de faire un truc pour percer sur réseaux sociaux en montrant notre soutien en tant qu'entrepreneur à politique de Quincy Sharp. On demande d'être invité à un truc officiel avec eux. Et ils nous feront venir et on dit on fait une vidéo pour notre chaîne Convontact, tu sais, à Facebook, MySpace, tout ça. Comme ouais, ça, mais on est visible après. Là, du coup, on devient visible pour eux. On va avoir un visage. Mais alors, il s'en mais... fout. Mais non, mais imagine-toi, tu fais ça, et un jour, pour une raison ou pour une autre, le gars, il vient au Aor Alibi, et il nous voit. Et il fait, mais c'est pas vous, les... Une couverture, tu vois ce que je veux dire, on est juste ouais, mais là, franchement, autant rester invisible comme tu veux. Ah, je sais pas, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Je m'en fous. Donc, on fait, moi, voilà, on fait journaliste. Je pense que la première option peut être très très risquée, ça peut être un grand coup de poing quand même de faire sur le lieu où ça s'est passé. Mais je pense qu'aussi, ça pourrait être sympa aussi d'aller dans son bureau aussi. Parce qu'on pourrait avoir d'autres choses aussi. Faire un petit plus sur la balance. Après, c'est autre chose d'aller dans son bureau. C'est compliqué. Il faut passer la sécurité. Il faut... C'est pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde ne peut pas aller dans le... dans le bureau de l'adjoint comme ça, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Yasmine, Ruby ? Oh, je sais ! Les deux imbéciles qu'on a engagés là. Non. C'est eux qui le comptent. Et ils font ça sur TikTok. Et ils font les jeunes avec Sharp. Et du coup, ils font vidéo pour faire percer. Et comme ça. Ouais, ils font des trucs, voilà, ils prennent une carte, on leur prend une carte au Parti démocrate. Et puis du coup, on fait Jean-Baptiste, il vient avec eux, il fait genre, il les filme et tout. Et il télécharge le virus. Enfin, la vidéo, non pas le virus, il lui envoie SMS et tout, WhatsApp. Et comme ça, en plus, enfin voilà, vous en pensez quoi? Les jeunes avec Charles. Et puis ensuite, on pourra faire publicité pour le bar. On dira qu'on soutient la politique. Non, mais ça, tu veux pas, d'accord. C'est vrai. Tu veux rester dans le... Est-ce que déjà, ils vont vouloir le faire? Mais ils sont à 25% dans les sondages. Ils ont jamais été aussi bas. Ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir un peu de visibilité et faire croire qu'ils sont soutenus, surtout par les jeunes. Non, mais les jeunes, est-ce que nos jeunes vont vouloir? Nous, oui, mais eux, les nôtres. Les deux que tu veux envoyer, est-ce qu'ils ont vraiment envie de le faire ou pas. Je leur mettrai un flingue sur la tempe et ils vont obéir, tu vas voir. C'est comme ça que ça marche. Ce serait temps qu'on marche un petit peu à la Yougovienne ici. Non, parce que oui, on est aux États-Unis, on n'a pas le droit de frapper enfant, je sais pas quoi. Non, mais arrêtez là, avec vos conneries de bobo démocrate. Bon, ok. Ne mets pas dans le même panier que ces bobos, s'il te plaît. Pardon ? Ne mets pas dans le même panier que ces bobos. Oui, désolé, je voulais pas insulter, tu as raison. Mais... Écoutez, moi, je... Il faut oser. Puis... Perso, je... C'est le problème que je vois, l'accréditation, parce que je sais pas comment ça marche. Je sais pas si on fait la vidéo, je fais le montage, je le mets sur le USB, on fait le groupe de presse, je le glisse dans sa petite poche. Il va s'en rendre compte chez lui et il va pas savoir d'où ça vient et c'est ce qui va faire aussi un impact aussi psychologique. D'accord. Et je peux aussi et je pense que je peux, si c'est possible, mettre un malware sur cette sac USB où dès qu'il la branche, ça propage toute la vidéo si retire la USB. Pas besoin de mettre des malwares à chaque clé USB. Je pense que je pense que la menace suffit en elle-même. Ok. Comme vous voulez. Écoutez, je vous suis. Moi, je propose à Yasmine et Ruby, vu qu'elles n'ont pas trop fait proposition, que c'est surtout nous trois, de dire ce qu'elles pensent et de dire ce qu'elles voient, les défauts qu'elles font. Si elles-mêmes, elles ont des propositions, parce qu'il faut prendre en compte la vidéo. Pas de proposition avec la vidéo, mais... Et sinon... Non, mais c'est bien, ça marche. Je pense aussi, au bout d'un moment, faut qu'on a... Enfin, si chaque plan a 5 directions différentes, ouais. Chacun le voit d'une manière différente, des fois, c'est bien aussi de laisser C'est vrai. Personne parlait. Vous m'avez beaucoup écouté pour le musée, pour le braquage, et voilà où ça nous a amené. Donc maintenant, je vous fais confiance. Ouais. Moi aussi, je trouve. Après, le plan du braquage est très bien passé. Hein. Mmh, oui, oui, j'ai vu. Moi je rejoins Ruby là-dessus. C'est pour ça que je t'avais pas trop depuis tout à l'heure. C'est que je pense que à un moment faut aller un peu au plus simple et agir. C'est important de planifier, mais je pense que là, trop planifier, on se perd beaucoup. Des fois, je pense faut y aller. Et là, je pense faut y aller. Donc, on part sur le principe. On part sur le principe donc qu'on fait cette vidéo. Maintenant, il faut juste savoir comment on la transmet, cette vidéo. Pour le coup, je retiens le truc de transmettre ça chez lui sur une clé USB. Ça, par contre, j'accepte totalement. J'aime bien le côté, il y a un impact, il y a un truc. C'est peut-être pas le plus simple, mais par contre, si on y arrive, on reste avec cette imagerie de « on est des putains de pros ». Eh bien, écoute, sinon, on peut hacker la boîte mail de sa secrétaire et lui envoyer directement par mail. Non, avec un mail qu'il connaît déjà et qui recevra. Non, c'est vrai que plutôt que de lui... C'est vrai qu'on pourrait juste... On est sûr qu'il est à la mairie à un moment. Jean-Baptiste, il va à la mairie, il va à côté, pas forcément, voilà, il se met avec son PC. Et puis il envoie la vidéo, comme ça, il peut lui envoyer, trouver son téléphone, tout ça, et puis voilà. Y a pas... Parce que moi, vous dites comme si ça a réussi le braquer, cambrioler la maison de le maire adjoint où il y aura zéro alarme, zéro garde sécurité, quoi, ça me fait un peu peur. Bien sûr que si, il allait avoir sécurité, etc. Mais je pense que ça fait partie du plan. Ok, donc dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, JB va à la mairie, se planque dans un coin. Enfin, se mettre tout dans la main et il peut hacker son téléphone à un moment donné, lui virer sa vidéo et il se barre et puis c'est terminé. Je veux dire, des gens. Mairie ou maison ? La question, elle est juste là. Mairie ou maison ? J'ai une question là parce que je suis MJ, j'ai besoin de comprendre ce que vous voulez parce que vous avez trois directions différentes. Là, il faut décider. Vous allez soit à la mairie ou vous faites le plan des TikTokers ? Non, pas TikTok. Oh, pas que TikTok. Yeah, pas moi, non. C'est trop risqué. En plus, ça va impliquer les deux jeunes. On ne sait pas s'ils sont fiables. S'ils se plantent, ça nous met dans la merde. Voilà. Non, pas TikTok. Mais ouais, je pense que son appartement, c'est trop dangereux. C'est trop de sécurité. La mairie, c'est... Il y a tout le monde dedans. Il y a plein de gens qui vont pour de la paperasse, des formulaires et tout ça. Il y passera forcément. Et au moment où il y est... Tu lui as son téléphone. Pour moi, la question, c'est juste que j'ai l'impression que la mairie est par défaut plus surveillée. C'est-à-dire que je pense que chez lui, c'est un truc de sécurité privée, etc. Genre, il y a 2-3 caméras, des trucs comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit plus protégé que ça, alors que la mairie, à un moment donné, tu dois avoir tout un service de sécurité qui est vachement renforcé parce que on est dans le domaine, on est dans un truc public qui est très important. Je suis pas sûr en fait que ce soit vraiment moins dangereux, la mairie. Mais en soi, ça revient. Même si on le voit, parce que déjà, il n'est pas obligé de rentrer dans la mairie, il peut aller dans le banc qui est juste à côté. Oui. Et donc, c'est juste un type sur la caméra qui est en train de regarder sur son PC. Tu vois ce que je veux dire ? Ou son téléphone. Voilà, exactement. Il y en aura plein, je pense, des gens qui font ça. On ne pourra pas incriminer plus une personne qu'une autre. Ça marche, oui. Moi, je suis pour. Un jour, on fera un plan de TikToker. écoutez, moi, ça va pour moi. Je suis d'accord avec ce plan-là. Moi, c'est bon. Juste, dernière chose, qui n'a rien à voir avec le plan lui-même, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Ruby et Yasmine. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ici, c'est les États-Unis. C'est le pays démocratie, tout ça, c'est bien prendre en compte avec tout le monde. Mais moi, c'est vrai que prendre le temps de faire autant de trucs, débat, tout ça pour action de merde, j'ai ma part aussi dedans. Donc, donc je dis, à partir de maintenant, il faut qu'on ait un fonctionnement plus militaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moins de blabla, plus d'action. Donc, moi, je vais faire moi en sorte tout ça, mais tout le monde y fait un effort. Parce que sinon, on s'embête un peu, quoi. Nous, on est là pour gagner argent, pas pour parler. On est là pour gagner une ville, hein, plus que de l'argent. Oui, c'est la même chose. Non. C'est pas le même mot. Bon, alors c'est parti. C'est allons-y. Ça veut dire que tu peux être pauvre et avoir la vie en même temps. Non, la ville. Moi, je veux la ville. La vie. La ville. V-I-2-L-E. V-I-2-L-E. Gotham. Ville. Gotham. On n'est pas là que Gotham. Pour l'argent. Ah, on est là pour le pouvoir. Ok. D'accord. Pas oublier ça. Hein. Moi, je suis là pour ça. Hein. C'est parce qu'en yougovien, c'est le même mot. Très bien. Donc, vous filmez votre petite vidéo, vos petits masques face à votre petit décor avec le grand logo en arrière-plan du graphiste qui décidément ne sera vraiment jamais payé, hein, vu que... On vous arrive même pas à vous mettre d'accord pour faire quelque chose, donc si c'est pour payer un gars... Bref. Vous filmez, vous faites votre petit discours. J'aimerais juste savoir ce que vous dites de manière très succincte. Est-ce que vous faites des demandes particulières ou est-ce que vous dites dur, on vous recontacte, blablabla. Moi, j'aurais pensé ça, en fait. Je pense que cette première vidéo doit être assez courte, explicite sur le fait qu'on a des choses, qu'on veut des trucs, et voilà, quoi. Mais qu'on a des billes pour le... Qu'on a braqué le musée, pour dire qu'on est des gens sérieux, qu'on a des infos sur lui, qu'on va les utiliser s'il fait quoi que ce soit, et si jamais il informe la police, qu'on... Coup de bluff, on a des gens dans son administration, tout ça, si on veut, on a le droit de vie et de mort sur lui, alors rendez-vous, voilà. Et je propose que... On loue un entrepôt dans Gotham, je sais rien, sous un faux nom, petite caution, voilà. Alors est-ce qu'on peut partir du principe de louer ce machin-là, mais pas dans ce message-là, lui mettre le lieu du rendez-vous et l'heure. Vraiment, en fait, je pensais vraiment le cueillir en pleine nuit, l'appeler avec un téléphone intraçable ou un truc de merde, et lui dire on rendez-vous à telle heure dans une heure, tu vois, pour ça. Oui. Comme ça, il n'a pas le temps de se préparer, c'est vraiment, il y va, et puis terminé, quoi. On le recontactera pour un rendez-vous, genre. Non. Ouais. Donc c'est le contenu de ce petit film que vous lui faites, que JB monte et que JB place sur une de ses clés USB et part pour la fameuse mairie de Gotham, d'où avec un petit ordinateur portable, d'où il va tenter de d'hacker tout ça, de l'envoyer dans le système de la mairie directement dans la messagerie. De notre messagerie interne de notre cher Israël Zimmerman à Jean Omer. Je vais simplement demander un jeu d'informatique à JB et en réalité je vais passer par-dessus toute cette petite scène car nous avons déjà pris 1h20 pour ce plan donc autant qu'il se réalise au plus vite. J'ai fait 9. Très bien. Eh bien, de ce que tu en sais, JB, ce petit voyage à la mairie s'est très bien passé. Tu as même pu clarifier ton statut d'entrepreneur du Hour Alibi avec la mairie. Maintenant, ça va être prélevé sur tes impôts, malheureusement. Mais heureusement, c'est les États-Unis et non la France. Donc, tu n'auras pas tant d'impôts que ça. Très bien. Ouais. Avant de repartir, je dis, je pars et je vais enculer Dorich. Très bien. Eh bien, après ce point sur les idéaux politiques de notre cher JB, nous nous retrouvons donc, si vous le permettez, quelque temps plus tard, après le retour de JB, vous avez eu le temps de vous remettre d'accord sur ce qui était à faire au final avec ce rendez-vous, et Au cours d'une nuit, vous avez donc envoyé ce message à ce cher Israël Zimmerman directement grâce au canot qu'a ouvert JB de par ses talents. Et vous lui avez donné rendez-vous dans ce fameux petit entrepôt, sûrement un des anciens entrepôts de l'Empire Falcon. Hein, ils avaient quasiment tous les entrepôts à l'époque. Hein. De toute manière, ça va pas être un des anciens entrepôts du pingouin, vu qu'ils sont sous domination de Voka. Et même si c'est un de vos amis, maintenant, il vaut mieux peut-être éviter de tout faire chez lui. Vous vous retrouvez donc dans cet entrepôt. Et vous attendez sa venue. Je vais vous demander, est-ce que vous avez installé une petite table, des caisses, ce genre de choses, ou est-ce que vous allez juste vous regarder dans le blanc des yeux directement dès son entrée, dire les termes et le renvoyer dégager? Alors déjà, est-ce que tout le groupe est là ou une personne est là? Il n'y a qu'une seule personne. Une ou deux. Ok. On peut une ou deux, mais pas plus. Ouais, deux personnes, ouais. Il peut y avoir des gens dans le coin au cas où ça tourne mal, mais je pense sur place, vraiment, ils sont juste dans la voiture derrière, dans une ruelle à deux pas. Quoi. Voilà. Alors du coup, est-ce que là, Yasmine peut en être? Parce que du baratin, c'est son boulot. Donc je pense que c'est une bonne idée. Non, laissez-moi plutôt refaire des tests sur la bureaucratie. Vous allez voir, faites-moi confiance. Ça non, je pense que le baratin, ça peut être... Enfin, c'est son boulot. Oui, alors oui. Alors oui, non, baratin, sans me traiter moi-même de mythomane, ce que je ne suis pas, je m'en sors bien. Je pense que Yasmine, là, pour le coup, c'est... Tu peux faire partie des deux. Et à la limite, Marco peut en être aussi. Non, tu veux pas? Alors, demain silencieux. Alors, bah écoute, dans ce cas-là, je sais pas, Ruby, tu es comment par rapport à la sociabilisation et la manipulation? Je suis plutôt quelqu'un de l'ombre, honnêtement. Marco, ouais. C'est vrai que l'accent serait peut-être trop reconnaissable. Moi, j'aurais... Dans ce cas-là. Pardon, ouais, mais tu vas l'entendre quand même avec le masque. Oh, tu vas avoir un accent robotique de Yougovia. Je suis très intimidant. Tu peux être une présence physique. Moi, j'aurais bien vu Pi, Yasmine, ou alors Yasmine et Marco, mais juste en mode gros bras derrière. Ouais. Problème de... Ouais. Après, bon, en vrai, je suis d'accord sur ces deux duos. 50. Après... 50, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mieux? En quoi? En intimidation, j'ai 50. Alors moi, j'ai... J'ai 45, je suis tout aussi intimidante que toi. J'ai 40 en autorité, ce qui peut aussi faire un peu dans ce genre-là. Moi, j'aime bien l'idée, pour revenir un peu en roleplay, moi j'aime bien l'idée d'avoir un homme imposant, silencieux, garde, qui serait là en mode « je suis là pour casser des bouches », mais qui se montre physiquement comme ça. Histoire d'être encore plus impressionnant, tu vas voir le mec qui parle et le mec qui parle pas, parce que tu sais que celui qui parle pas, s'il agit, ça va faire mal. J'aime bien si... Marco, tu grognes quand il dit des trucs... tu grognes, ça j'aime bien. Dans ce cas-là, donc je vais donc on ferait Yasmine et Marco en mettant Yasmine vraiment celle qui va interagir avec l'adjoint et Marco qui va être plus en mode d'intimidation pure physique. Voilà. Moi, je serai un peu dans le fond avec des armes si jamais ça vient à péter pour pouvoir très rapidement essayer de d'agir. Ce que je peux faire, c'est des tours. Je prends une moto ou une voiture et je fais des tours dans le coin si jamais je vois la police arriver ou autre. Essayer de voir s'il n'y aurait pas une contre-opération en cours. Et d'accord. Si il y a un endroit où elle prévient. D'ailleurs, il faudrait qu'on prévoie une issue de secours et pourquoi pas par les égouts. Ouais, non, carrément. Carrément, c'est con, mais on les connaît bien maintenant. Donc si jamais on a une bouche d'égout pas loin, on peut toujours se barrer par là. Et dans le doute, on met deux motos de côté pour vous. Quoi. Ouais, non, c'est une très bonne idée. On ramène le pneumatique. On ramène le pneumatique. On le laisse en bas. Bah ouais. Ah non, ouais. Et du coup, JB, ce qu'on pourrait mettre, c'est installer des petites caméras dans des angles de la rue, dans des endroits un peu stratégiques, pour voir si jamais il y a des déplacements suspects et que tu puisses nous être nos yeux, mais dans un périmètre un peu plus large avec des caméras, des écrans, et qu'on aurait tous chacun une petite oreillette à l'intérieur du masque, que si jamais il y a un truc bizarre, nous ça nous permet de très rapidement déguerpir. Et voilà. Et donc au niveau de la mise en scène, moi j'aurais bien vu, tu sais, les espèces de vous un peu en retrait avec des gros spots qui éclairent dans sa direction à lui, donc il voit pas bien en fait, tu sais, il y aura un peu il verrait des ombres, mais il verrait pas forcément bien, et comme ça nous ça nous permet de pouvoir dégager, mettre l'intensité au maximum si jamais ça part en sucette, donc il s'éblouit et nous tu peux dégager. J'ai une proposition. Dans le fond, on met une des... Je sais pas si on en a beaucoup ou pas, mais est-ce qu'on mettrait pas une des toiles la moins chère ou autre pour lui prouver qu'on les a bien avec nous? La plus chère. Ouais, mais imagine, il y a une contre-opération et on se fait niquer la plus chère des toiles parce qu'on doit partir en urgence. Bah, justement, moi, alors, Jean-Baptiste, Ruby, vous êtes chargé de la surveillance. Donc, vous arrangez, vous faites des patrouilles, vous installez des caméras ou quoi. Par contre, Jean-Baptiste, il y a un autre rôle que tu as, toi. Tu dois être prêt à uploader la vidéo en moins de 2 si jamais il nous entend. Et le but, bien sûr, c'est pas qu'elle commence à faire le buzz, mais c'est de lui montrer « Ah, il y a déjà 50 personnes qui ont vu ça sur le réseau social. » Si jamais tu retires pas les flics maintenant, la vidéo va rester et quelqu'un va la faire. Je vais faire mieux. Je vais faire beaucoup mieux. Je vais envoyer au plus grand journal de la ville la vidéo. Ouais, voilà. Parfait. Je vais mettre sur YouTube et Dailymotion. Non, YouTube, ça sera très bien. Oui, c'est mieux. Dailymotion, c'est mort. Ça ne vaut plus rien. Attention, j'ai mis votre vidéo sur MySpace. Après tu peux très bien aussi mettre à côté de vous un petit écran de télé. Et genre, quand vous discutez, quand vous allez vendre le truc, faire tourner un peu de la vidéo devant lui. Genre, ça, c'est juste pour vous et lui. Genre, c'est cette vidéo, on l'a, tu vois. Il va l'avoir, quoi. PC portable, la vidéo. Genre, tu fais ça, tu sais, tu tournes l'écran du PC portable, regardez ça. Merde. Ouais. Voilà. La vidéo en grand, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien l'idée de lui montrer la vidéo en boucle. Nous allons donc nous mettre en marche. Avec JB, toute l'équipe qui a placé des caméras un peu partout, par-ci, par-là. Il contrôle la sécurité des lieux. Ruby qui, si j'ai bien compris, en voiture fait quelques petits tours de la zone de temps en temps pour être sûr. C'est ça, a priori JB lui il est fixe, il doit être dans un cybercafé à côté, ouais. Ou sur un toit. Il y a que les caméras de surveillance, il surveille la zone, mais moi je fais des tours plus sur le terrain. Donc, okay. Comme ça on a un élément fixe qui peut surveiller un peu en global et il y a moi qui peut aller un peu plus loin et comme ça prendre un peu. C'est parfait. Yasmine elle est assise. Face de la table, enfin derrière les spots, mais face de la table, pour parler avec lui. Et en arrière-plan, il y a Pi et moi en mode gros bras. On est armés. Et moi, j'ai pris, donc armé bien vénère, le fusil à pompe et les AK. Et j'ai pris mon couteau de chasse, là, que j'avais demandé aussi, normalement, de souvenir, j'ai ça aussi. Et je joue avec en le regardant un petit peu, tout ça, enfin voilà. C'est... Ok, d'accord. Donc et tu joues le rôle du... tu joues le rôle. Et avant de lancer, histoire d'être sûr, du coup là on est au moment du rendez-vous, hein. C'est bien ça, j'ai bien tout suivi. D'ici 3 secondes, il arrive. Ok, et du coup, histoire d'être sûr avec mon groupe, parce que j'aime pas faire des failles. Donc là l'idée c'est qu'on met la pression de « on a la vidéo ». Et on veut l'argent. On veut l'argent. Oui, c'est ça, c'est des thunes qu'on prend. Tu travailles pour nous. Ok. Attends, quoi? Récapituler en gros concrètement, qu'est-ce que je le mets à ces gens? En fait, on a la vidéo et on la diffuse. On a les offres. Ouais. Tu travailles pour nous maintenant. Tu fais un truc. Ok. C'est publié. Et okay. Donc, on va prendre les œuvres pour que tu sois le héros, mais à partir de maintenant. C'est ça, c'est bien, on va lui rendre les œuvres, comme ça lui il est gagnant, mais par contre, monnaie. Ah oui, monnaie. C'est ça. Non, c'est bien ça. C'est juste histoire d'être sûr et de pas dire des conneries. Je voulais juste récapituler ça avant de lancer le truc et que j'oublie la partie la plus importante monnaie, parce que j'avais un doute justement sur. Voilà, monnaie. Et puis si un jour on a besoin de ses services. Si on a besoin de lui, voilà, il répondra présent. Voilà. Tout à fait. Et monnaie, la valeur des œuvres ou j'essaie de négocier un peu. Ah, faut plus. Attends, si tu peux plus. On négocie. Il faut toujours négocier à plus pour avoir moins. Ouais, au pire il dira non, ça sera la valeur des œuvres et on sera déjà bien. Mais ok. Très bien. Okay. Il arrive donc le moment fatidique où dans cette nuit, sous une pluie diluvienne qui promet d'ailleurs un verglas incroyable une fois le lendemain arrivé, étant donné la période froide dans laquelle nous sommes, vous entendez, pour ceux qui sont dans l'entrepôt, et Ruby, tu as pu apercevoir aussi passer au coin d'une rue le véhicule du maire, de l'agent au maire, Israël Zimmerman, a priori accompagné de un ou deux hommes dans le véhicule. Mm-hmm. Je vais les suivre, je pense. Pas l'agent au maire, je veux dire, mais les deux hommes, voir. Si j'imagine, ils vont pas descendre avec lui. En effet, quand tu les vois s'arrêter devant l'entrepôt, l'agent au maire descend du véhicule et les deux hommes restent à l'intérieur. L'un conduisant et l'autre dans le siège arrière. Un des sièges arrière. Donc tu restes un peu dans la zone histoire de voir s'ils ne feraient pas quelque chose en tout. C'est ça. Si jamais évidemment, ils sortent avec des guns ou si jamais ils rejoignent d'autres personnes ou s'ils passent des coups de fil un peu trop souvent. Dans ce cas, je tiens en courant les autres. Moi, je surveille les trucs et tout ça et je... En même temps, je forme un peu... Ruby, à tout ça. Mais elle est pas là avec toi, Ruby. Ah, ok. Bah, moi, je... Vous pouvez écouter quand vous faites des plans, hein. Moi, je regarde les caméras. Ouais, tu regardes les caméras. De toute manière, toi, tu vois absolument tout ce qui se passe un peu tout autour de l'entrepôt. Je suis presque sûr que t'as même fait en sorte de pouvoir couper tout le courant et d'allumer toutes les lumières quand tu veux, pour la pression de quelques boutons. Ouais. T'as perfectionné tout ce qu'il fallait. Ah, et j'ai un bouton aussi pour replayer la vidéo automatiquement. Évidemment. Et Monsieur Zimmerman, donc, finit par entrer dans l'entrepôt. Vous le voyez donc, cet homme d'un certain âge, avec les cheveux noirs, poivrés, un peu coiffé, un peu en arrière, si ce n'est qu'il a un peu dégarni aussi au niveau du haut du front. Il a une petite moustache aussi grise. Il est dans un espèce de costard à moitié boutonné, parce qu'a priori, il a fait ça très très vite, vu que vous lui avez envoyé le message en lui demandant de venir immédiatement et ce genre de choses. Donc il a l'air d'être à moitié réveillé, mais aussi sous tension. Vous le voyez qu'il n'ose pas faire un petit pas au début, il finit par avancer en voyant que vous dites rien et ce genre de choses. Donc il avance, il a l'air peut-être un peu de trembloter, il n'a pas l'air d'être spécialement habitué à des choses comme ça, ou en tout cas pas de manière aussi directe. Il arrive donc vers vous et... bonjour. Monsieur Zimmerman ? Oui, c'est moi. D'accord. Asseyez-vous. En face. Yeah. Tu vois que vous voyez qu'il vous regarde un peu les deux gros bras autour, il passe de l'un à l'autre avec un regard apeuré, il n'ose pas ne serait-ce que laisser une microseconde sur chacun d'entre vous, il fait que passer des uns aux autres et puis il finit par reposer son regard sur son interlocutrice. Tu es en tenue toi aussi Jasmine, c'est ça, d'accord. Donc il ne voit absolument aucun visage. Je lève un peu la main comme ça, tu sais, pour attirer un peu son attention sur l'arrière et j'espère que notre petit fond animé vous plaît. Mmh. Oui. Oui. On la choisirait pour vous, vous savez. Merci de l'attention. Bien. Vous savez pourquoi vous êtes là. Je crois comprendre, oui. Vous savez ce qu'on a fait. Je crois savoir, oui. Arrêtez de croire. Je sais, oui. Ah, c'est mieux déjà. Viens. Donc, vous savez ce qu'on a fait. Les tableaux. Oui. Tout ça. Bien. Voyez-vous, pour parler très franchement, nous avons très besoin de votre collaboration. Il serait très aimable de votre part, hein, bien entendu, de nous aider, parce que nous avons besoin de vous, maintenant, peut-être plus tard même. On a besoin de ressources financières, parce que on peut le faire. Et pour être tout à fait honnête, vous êtes même gagnant là-dedans, après tout. Bon, vous détournez de l'argent, donc je sais que vous avez forcément rapidement de quoi nous payer. Et en plus de ça, vous en sortez comme un héros. Vous récupérez l'étoile. Vous sauvez le musée d'une perte horrible. Je veux collaborer de toute ma volonté, de toute ma personne, mais... Mais il y a erreur. Mmh. Je ne détourne pas de Mais enfin, voyons, Monsieur Zimmermann. On les connaît, les gens comme vous. Vous pouvez l'avouer. On en mange tous les matins. Ah, c'est que... Il regarde un peu autour, il vous regarde encore tous les trois, puis il ose faire des petits coups d'œil un peu encore sur les côtés, encore plus, en vous quittant un peu du regard, puis rien vers vous. Et... ça m'est arrivé à quelques reprises, mais je n'ai pas tant de foi que ça. Monsieur Zimmermann, vous savez à qui vous êtes en train de mentir? Non. Je pense que si ça continue comme ça, je peux me lever et vous laisser seul avec cet homme. Non, ça ira. Merci. Ah non, En plus de ça, j'ai oublié de le nourrir ce matin. Il est un peu en colère. Non, d'accord. Je vais collaborer. Mais... Alors déjà, commencez par dire la vérité. Vous détournez de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Mais... Que vous êtes mignon. Mais pas... Non, pas pour moi. Pas pour vous. Pour qui donc? Je suis pas sûr que je peux... Que je peux en parler. Enfin, c'est particulier. Je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de décider de ce dont vous pouvez parler ou pas, parce que... Ah oui, c'est vrai, il y a une vidéo, là, qui pourrait se retrouver sur les réseaux sociaux. New York Times, je dis pas l'oreillette. Alors c'est le MJ qui parle. Je vais vous demander à tous les trois, les gens qui sont là, et peut-être même Jean-Baptiste, il a sûrement une caméra installée directement à l'intérieur aussi pour regarder ce qui se passe. Directement. Tous ceux qui sont présents, je vais vous demander un petit jet de... Alors, comment est-ce que j'appelle cette capacité? De... psychologie, s'il vous plaît. Ok. Bah, j'ai fait 20, j'ai fait 20. Et j'ai 20. Du coup, je sais pas si c'est une réussite ou un échec. Est-ce que c'est inclusif? Ok. Bon, bah alors c'est une réussite. C'est 5 si t'as rien dedans de base, c'est ça? Quand t'as 0, c'est 0 dans cette version-là. Donc moi, je peux j'ai pas tirer. J'ai découvert dans 0. C'est 0. Ah ouais, on peut pas tirer. Même pas 1. Sauf quand c'est des choses, disons, qui peuvent se faire sur un malentendu, du genre tirer ou donner un coup de poing, ce genre de choses, c'est pas de souci là. Ok, d'accord. Mais là, pour la psychologie, c'est un peu chaud. Voilà. D'accord. J'ai pas fait. Moi, je peux pas tirer, vu que moi. Ok. Alors pour la vidéo compromettante, il me semble que vous n'avez pas encore fait le reveal, vous ne lui avez pas montré l'écran, quoi que ce soit, il sait juste que vous l'avez. Donc il n'y a que Yasmine qui a réussi ce jet, c'est ça? Oui. Alors attends, est-ce que tu peux juste me dire c'était quoi exactement le jet? J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là parce que en fait, j'ai envoyé plein de messages, mais pas sur le bon salon. Du coup, les gens ils comprenaient pas. J'ai dit, mais c'est quoi? Ils l'ont la vie. C'est une vidéo compromettante. Genre, j'ai là, mais quelle vidéo compromettante? Psychologie. psychologie, vas-y. J'ai zéro. Ok, bon, bah, du coup, oui, il y a que moi. Donc Yasmine, tu commences à voir dans ses yeux, dans ses petites expressions, les micro-expressions, que il est en panique. Pas en panique seulement à cause de la situation, ça c'était dès que tu l'as vu, il était comme ça, mais là il y a un niveau supérieur de pression qui vient de s'établir. Tu ne saurais pas exactement pourquoi. T'as pas l'impression que c'est par les menaces que tu lui as fait. C'est presque plus une autoréalisation de sa part. Il s'est rendu compte de quelque chose qui le stresse énormément. Voilà. Okay. Avant de continuer avec ça, je vais aller du côté de Ruby. Ruby, de ton côté, toi qui fais un peu des petits tours de pâté en essayant de revenir le plus souvent possible ou alors de t'égarer dans un coin pour observer les deux gars dans leur voiture. Oui, je fais un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as le temps un peu de jeter des petits coups d'œil et de remarquer que ces gars-là sont déjà eux aussi en costard et ce genre de choses. Si ce n'est que ils n'ont pas les têtes. Des hommes d'affaires qui s'habillent en costard habituellement. C'est presque plus des gens de votre milieu, mais surhabillés. Par le plus grand des hasards, je les ai jamais rencontrés, ces gars-là. Je vais te demander un Arkham ou quand je faisais partie du gang de l'épouvantail, par exemple. Un petit jet en contact, s'il te plaît. Ok. Ou en crime organisé, mais je crois que j'ai mélangé 18. Ces compétences. J'ai mélangé. Sachant que j'ai 15, c'est un échec, mais un échec de 3 seulement. Ok. Tu n'as pas l'impression de les avoir déjà croisés. Cependant, à leur figure et ce genre de choses, bon, c'est du délit de faciès, hein, là, que je te dis que tu fais, mais tu sembles avoir plus l'idée que ce sont des gens qui ont passé, s'ils ont passé des gens du temps derrière les barreaux, c'est plutôt à Blackgate, la prison, plutôt qu'à Arkham, l'asile. D'après leur profil, en tout cas. Ok, ok. Tu remarques aussi que l'un d'entre eux, quand il s'est garé et que le maire est parti, il a passé un petit appel rapidement avec un petit téléphone qui avait l'air d'être un téléphone jetable. Et depuis, ils n'ont pas rappelé, a priori, pour le moment. Cependant, ils ont l'air attentifs, ils regardent un peu de temps en temps sur leur gauche, sur leur droite. Ils s'attendent peut-être à voir débarquer des gens. Ok, j'envoie un message aux autres, je dis, ça pue, il y a deux gars dans la bagnole qui ont accompagné notre compère, probablement des gars du milieu. J'ai peur qu'ils nous mijotent un truc. Soyez attentifs, je vous tiens au courant. J'envoie juste aussi, il est possible que notre ami fricote avec un membre imminent de la mafia ou de la pègre locale. Maintenant, à voir de qui est-ce qu'il s'agit. Je pars du principe que peut-être Yasmine voit aussi ses messages, ne serait-ce que sur l'écran de son petit ordinateur sur lequel elle doit montrer la vidéo. Vous avez le petit icône de Discord qui s'allume et il y a les messages. Il y a les notifs qui apparaissent alors que le gars il regarde, tu sais. Très bien. Donc je pars du principe que vous êtes un peu tous au courant de ce qui se passe en direct. Pour ce qui est de Zimmerman, directement du coup face à toi, Yasmine, tu vois qu'il continue, il hésite toujours un peu à parler, il dit « C'est pour quelqu'un d'important ?» J'adore quand vous hésitez comme ça. Monsieur Zimmerman, vous voulez peut-être voir la fameuse vidéo, non? Je peux vous le montrer si vous voulez. Je commence à tourner l'écran vers lui. La vidéo, non, on sait. Tu vois qu'il jette un petit coup d'œil, il regarde un peu ailleurs, comme s'il était presque honteux de lui-même, de ce qu'il avait, de ce qu'il avait fait, au final. Monsieur Zimmerman, regardez. Tu vois qu'il se force un peu à regarder, et puis il redétourne encore le regard. Le regard, là. Et du coup, il regarde l'écran. Bien. Donnez-nous un nom, un simple petit nom. Je connais pas son nom. Mais c'est quelqu'un d'important, mais je veux vous le dire. Enfin, je veux collaborer avec vous, je veux vous le dire, mais... Dites. Il a oui. mis à parler. Dites. Oh. C'est Black Mask. Ah. Intéressant. Très bien, donc tu détournes pour lui. La fondation avait besoin de partenaires et la situation s'est un peu dégénéré. Je suis très ravi d'entendre ça. Mais fort heureusement, cela ne va pas poser problème du coup pour qu'on puisse collaborer. Donc. De quoi avons-nous besoin déjà? Ah oui! De votre argent, monsieur Zimmerman. Je sais pas. Combien vous voulez? La valeur de tous ces tableaux en double? En double. En triple, je veux dire. En triple. J'ai dit ce que j'ai dit. À qui vous parlez? Non. Attendez, je vois qu'il cherche un peu dans sa tête. A priori, bon, il n'a pas la tête à réfléchir au prix ou quoi que ce soit. Il regarde. Je lance l'extrait de vidéo pendant qu'il réfléchit. Non. C'est beaucoup. Ah, vous savez ce qui est beaucoup? Le nombre de gens qui vont pouvoir voir cette vidéo entièrement. Ça partager. Tout ça. Combien de temps avant que... vous soyez destitué? Que Black Mask se mette à vous poursuivre parce qu'on sait trop de choses sur vous? Je dois déjà tellement d'argent. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Est-ce que je peux vous... Je peux... Le double de ces œuvres, c'est... Monsieur Zimmerman, ce n'est que la première étape de ce qu'on vous demande. Je vais partir aux toilettes. Ok. Et une fois que je suis aux toilettes, et tout ça, je collecte à l'oreillette et je fais à Yasmine... C'est bien ce que je pensais. Je pense qu'il n'a pas assez d'argent. Il faut lui demander d'en détourner comme pour Black Mask. C'est des fonds municipaux qu'il nous faut, pas les siens. Maintenant, il détourne pour nous aussi. Ok. Et donc, comme je disais, vous savez, ce n'est que le début de ce qu'on vous demande. Si vous êtes assez pathétique pour ne pas pouvoir nous donner ça, est-ce que finalement, on n'obtiendrait pas plus juste en diffusant cette vidéo? Et en gardant les œufs pour nous. Non, sûrement pas. Vous n'aurez... Alors vous avez une proposition, peut-être, monsieur Zimmerman? Je qui cherche un peu... Peut-être que je peux, je sais pas... Vous présenter des gens, aider... Je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne sais pas qui vous connaissez. Je peux être... utile, je... Oh, vous allez être utile, monsieur Dormerman. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez, à chaque fois qu'on vous contacte, bien entendu, donner tout ce qu'on veut, y compris des contacts. Mais là, tout de suite, vous allez vous mettre à travailler pour nous de la même façon que vous travaillez pour Black Mass, finalement. Détournez un peu d'argent pour nous. Un petit peu beaucoup. Après tout, ce serait qu'un compte supplémentaire pour un vulgaire homme comme vous. Qu'est-ce que ça vous coûterait ? Je veux vous aider à... Mais... Attention, s'il y a un mais, on peut commencer à poster votre vidéo. Il n'y a pas de mais, je... Pour être votre humble serviteur, comme j'ai vocation à le faire, je dois vous mettre au courant que je suis dans une situation assez particulière. Je suis sous pression de différents intérêts maintenant, et de mes sources, il serait compliqué de... Bon, alors vous êtes totalement inutile, je diffuse cette vidéo, c'est bien, c'est compris. Non, je vais m'arranger pour faire tout ce que vous voulez, cependant. C'est simplement que c'est... Ce sera... Bon, écoutez, facilement... vous avez des excuses, vous avez des actes. Donc, il y a toutes ces épaules qui tombent complètement, il est complètement... Et je vais te demander, s'il te plaît, un G de... alors là, c'est plus de l'intimidation, du coup, parce qu'on est sur la menace, donc de l'intimidation. Et les hommes de main autour, si vous voulez avoir faire un petit bonus, vous pouvez jouer aussi un peu d'intimidation, faire un petit grognement. Vu que c'est une caméra, elle enregistre tout. Oui, t'enregistre tout. Est-ce qu'il y a possibilité de raccorder ça avec la vidéo que j'ai? Je l'avoue, tu le diffuses en live. Je travaille pour Black Mask. Alors, Détournement. Je crois que j'ai fait 5. Ah, oh. Génial. Ça valait les 93 de tout à l'heure. En effet. Du coup, il s'effondre complètement directement sur sa chaise et il lève le regard vers toi et fait « Est-ce que vous avez un peu d'eau ?» J'en ai plein pour vous. Je reviens des toilettes. C'est génial. Vas-y. On va dire que j'avais un verre. Oui. Et du coup, bah, il prend le verre et il boit un peu. Et... Je lui pousse sur la table comme ça, là. Oh non, je vais te nourrir, t'en fais pas. Nous finissons juste ça. Très bien, je suis totalement à votre service. Yeah. Juste s'il vous plaît, non. Enfin, vous savez, je suis à votre service. Ce que j'adore entendre ça. Là-dessus, je reviens aux toilettes. Par contre, j'aimerais bien savoir c'était quoi le truc qu'il voulait nous dire, parce que je veux tout savoir sur lui avant que tu vois. Bien. Du coup, maintenant que le marché est fait, donc on est bien d'accord, vous allez pouvoir nous ramener quelques petites sources, on va pouvoir petit à petit vous demander d'autres choses, parce qu'on a quelques petits besoins particuliers. En attendant, quand même, mon cher adorable petit garçon qui nous aide maintenant, finissez quand même votre histoire. Dans quelle situation vous êtes mise ? Eh bien, pour être le plus succinct possible, disons que votre vidéo, vous n'êtes pas les seuls à la posséder. Oh. Et Black Mask et d'autres, un autre que vous, font déjà pression et je détourne déjà beaucoup d'argent, donc ça va être très visible. Vous êtes la chienne de Gotham. Oh. Bah écoutez, ce ne sont pas quelques sommes détournées en plus qui vous mettraient en danger finalement, si c'est déjà visible. Et puis, qui sait, peut-être avec le temps, vous pourrez trouver parmi les gens qui vous chantent de vrais alliés qui pourront vous aider. Est-ce que je peux parler deux minutes à Yasmine, mais sans qu'elle réponde à son oreillette? Bah oui. Ah, va pas attends, oui, c'est le principe. C'est le principe. Donc tu peux dire des choses dans l'oreillette, en effet. Continue à lui faire parler, Yasmine, parce que j'enregistre tout, ça va faire partie du montage. Bien, bien, bien. Du coup, en dehors du coup, ça, vous avez parlé de Black Mass et de encore quelqu'un d'autre qui vous fait chanter? Oui, enfin, oui. Oui, les... les Russes, les Serbes, les Slaves, enfin, tous ces gens-là de... d'Arkham City. Enfin, de la zone. Et pensant, il n'y a que nous trois sur vous. C'est déjà beaucoup. C'est vrai que c'est déjà beaucoup. Faible petite chose. Alors du coup, on est d'accord, on prend l'argent que tu détournes. Tu détournes beaucoup d'ailleurs pour Black Mass. Oui, beaucoup. Mais il a... C'est parce qu'il a les moyens aussi de le cacher. Je ne sais pas quels sont vos... Enfin, je veux pas vous rab... Ouais. Oui, je préfère quand tu te tais. Bien, bien, bien. Est-ce que t'as d'autres choses à me dire pendant qu'on est là, qu'on se voit dans ce petit rendez-vous fort galant? Je vois qu'il il hésite un peu. Tu vois que... Mais il n'hésite pas du genre, il veut te cacher quelque chose, il hésite parce que il a l'air d'avoir peur de révéler quelque chose, plus que de vouloir te le cacher, si tu vois la différence. Tu sais, tu peux nous parler en toute honnêteté, après tout, on a déjà bien les moyens de te donner, enfin de faire pression, d'autant plus que nous l'agent sympa, je rappelle que tu vas pouvoir récupérer petit à petit les tableaux et passer pour un grand héros à Gotham. D'accord. Fais-moi s'il te plaît un jet de baratin. C'est de baratin ou c'est de... Non mais baratin, c'est bien. Ouais, baratin, c'est bien, ouais, ça correspond. J'ai 75... 6 C'est pas... C'est... Je... Bon. J'adore ce que je... Tu vois, du coup, il reprend un verre d'eau, d'eau de toilette de Marco. Et... alors, c'est que... Alors, c'est... Entre le temps où vous m'avez envoyé le premier message et celui de ce soir, j'en ai discuté avec Black Mask. Ce sont ses tableaux, après tout. C'est son argent qui passe par ses tableaux. Donc. J'en ai parlé avec lui. Et il n'a pas apprécié non plus le fait que ce soit signé par lui. Et il est possible qu'il soit en colère. Et il est possible. Et donc il est possible que je sois actuellement accompagné de deux personnes qui travaillent pour lui. Et je. Elles sont où? Dans la voiture. T'es au courant que s'il nous arrive quoi que ce soit, la vidéo est immédiatement mise sur absolument tous les réseaux. Oui, évidemment, mais Si ça ne tenait qu'à moi, nous serions en train de nous serrer la main, je crois. Et vous croyez ? Oui, nous serions en train de nous serrer la main, mais je ne peux pas, je ne peux pas dire à Black Mask ce qu'il doit faire. Et je ne sais pas ce qu'il veut faire, pour être honnête avec vous. Non, de toute façon, on a déjà réglé la chose. Puisque notre accord, finalement, est déjà passé. Oui. Oui. Très bien. Alors, tu sais quoi ? Vu que tu es visiblement un parfait idiot qui ramène ici des ennemis, tu diras à Black Mask que si tente quoi que ce soit, la prochaine fois on s'en prend aux tableaux les plus chers. On a été sympa cette fois. On n'aura pas peur de recommencer. Oui, je le ferai, mais vous êtes sûr ? Oui. Je veux autre toilette, on a l'habitude. Je veux vraiment petite vessie. Il a l'air d'avoir des problèmes, votre ami. Ah, très bien, pas de soucis. Fais-lui répéter pour l'enregistrement que le musée appartient à Black Mask et tout, fondation que c'est Black Mask. Ok. Du coup, on va pouvoir se laisser là. Juste, nous sommes bien d'accord, vous pouvez me rappeler que... À qui appartient ce musée, du coup, officiellement ? Enfin, officieusement ? Ok, oui. C'est presque comme si ça lui faisait plus mal de le répéter que de le dire, tu vois, et il éclate en sanglots. Il est vraiment... Ses dernières résistances tombent, il fait « Ah, Black Mask, j'appartiens à Black Mask, et j'appartiens à Black Mask, à vous !» Moi, je fais dire à l'oreillette de Yasmine, son petit pute. Viens, pauvre petite chose. Écoute, on prendra soin de toi quand on pourra prendre soin de toi. On va te laisser. Je te souhaite bon courage après pour la confrontation avec Black Mask et lui expliquer un peu maintenant que tu n'es plus que sa pute, tu es aussi la nôtre. Je me lève. Et je m'en vais. Et j'éteins la lumière. Très bien. Donc la lumière s'éteint, tu t'en vas, les deux gardes du corps j'imagine prennent ce qu'il y a emporté, hein, le matériel informatique et le tableau qui sert de décoration. Et vous quittez les lieux. De façon ultra discrète. Hein. De façon ultra discrète, vous... Pas question de suivi. Très bien. Vous passez par le fameux petit chemin que vous avez prévu d'aller rejoindre... Pour les égouts et tout ça, ouais. Voilà, le pneumatique dans les égouts, vous partez et c'est parti. De ton côté, Ruby, toi qui es encore dans la voiture, pas loin des lieux, tu attends un peu de voir passer le maire, histoire de voir que tout se passe bien, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Toi, tu vois sortir le maire de l'entrepôt, tout tremblotant, il s'appuie sur un mur à un moment en essayant de se ressaisir lui-même. Et il avance vers la voiture, il ouvre la portière, il a l'air d'échanger quelques phrases avec les gars à l'intérieur. C'est pas lui qui enclenche la discussion a priori, c'est les gars qui ont presque... qui lui aboient dessus presque. Et il répond quelques petites phrases que tu ne peux pas entendre vu que t'es quand même à une certaine distance pour pas te faire repérer. Et il rentre à l'intérieur. Le moteur de la voiture... se réenclenche, les phares s'allument et la voiture fait demi-tour pour remonter la route sur laquelle tu es toi-même. Et la voiture passe à côté de toi. Tu fais en sorte d'être discrète, j'imagine. Ouais. Mais je pense même, si possible, si tu me l'accordes, quand au milieu de mes petits tours, j'ai changé de véhicule une fois. Pas un truc qu'on aurait loué ou autre, histoire que ça, parce que si t'as la même moto qui fait le tour, qu'au bout d'un moment tu la remarques, quoi. Ouais, donc là, à la limite, je les suis avec un autre véhicule par exemple, pour pas qu'ils okay. s'entendent plus que ça. Donc alors qu'il passe à côté de toi, dans ton véhicule que tu as changé à l'occasion, tu ne peux pas t'empêcher, malgré le fait que tu t'enfonces un peu dans le siège, de croiser le regard de l'un d'eux. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste il regardait autour de lui et par hasard, il t'a vu et tu l'as vu à ce moment-là. Il t'a regardé volontairement à ce moment-là, d'un petit sourire un peu complice, pour ainsi dire, et le véhicule continue sa route. Ok. Faut qu'on fasse gaffe. Après cette affaire-là, un peu de temps passe, j'imagine, surtout pour toi, Ruby, qui va sûrement prendre quelques petites précautions, sait-on jamais. Oui, je pense. Je pense que je vais passer en mode Esther et je vais faire des tours dans toutes les ruelles. Très bien. Vous finissez par vous retrouver les uns les autres à un point de rendez-vous, sûrement choisi à l'avance, si ce n'est peut-être au Hour Alibi, qui sait. Pour fêter cette victoire, j'imagine. Ouais, carrément. Bah, là, en soi, comment on sait qu'on va toucher la thune? Parce que pour l'instant, on lui a rien. Il nous a dit ok, je vais donner, mais on sait même pas comment on va toucher de l'argent. Ouais. Ah, attends, déjà, il va détourner de l'argent, donc ça va être le truc. Je pense en fait, ça a changé ce qu'on allait avoir, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une grosse somme d'argent d'un coup. Mais en fait, ça va être sur du long terme. Ce qui, pour le coup, en fait, va nous arranger. Parce que c'est-à-dire que c'est de l'argent détourné, donc il va rentrer petit à petit. Ouais, mais comment est-ce qu'on a défini comment il va nous le donner, cet argent? Ça va être dans les détails. Là, c'était pas le moment. On n'allait pas sortir un compte chèque, dire bon, voilà. Alors, ça, c'est. Alors, le numéro RIB bancaire, du coup. Là, on était sûr, tu vas faire ça. Cela sera décidé de manière extra-diégétique à ce GDR. Et ça passera sûrement par l'expertise de Jean-Baptiste avec l'informatique, vu que vous avez déjà un contact avec lui par informatique. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Ok, ok. On va utiliser des cryptos. Exactement. Du blanchissement d'argent par crypto-monnaie. Voilà. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que, enfin, moi, je m'y attendais. C'est plus le joueur qui parle. Je m'y attendais un petit peu à ce truc de ah désolé. Mes excuses. Le truc qu'il n'est pas d'une façon ou d'une autre qu'il puisse pas nous alimenter en argent. Donc, oui. Voilà. On a quand même réussi à avoir ce qu'on voulait. Là, faut se dire que là, on va faire. Là, on a menacé un des plus grands prontes de la ville. Quoi? Et pour le moment, on est 5 pélos dans un bar avec des flingues. Alors, ça, il le sait pas, il nous craint. Il sait pas qu'on est genre en vrai 5 et qu'il pourrait nous supprimer assez facilement. J'ai fait le coup de bluff en agressant un peu Black Mask, on verra comment ça se passe. Mais globalement, non, ça va. Alors, par contre, là où je suis quand même scié, c'est que le Black Mask, c'était vraiment pour rigoler. Enfin, quand je vous ai proposé de. Oui, mais il y a personne avec Black Mask. Et puis là, Black Mask est vraiment là. Alors, je sais pas s'il est arrivé. Moi, j'ai pensé depuis le début. Je pensais que c'était fait pour la fausse piste. Alors, en vrai, ça peut rappeler un peu. Moi, je pensais que c'était fait pour la fausse piste pour leur donner un truc qui existe, quoi. Genre, le Black Mask. La question est est-ce que c'est. Oui, pardon, vas-y. Je vais dire, par contre, ça marche super bien pour le côté troll de. Black Mask qui détient non officiellement oui, alors ça... une idée, qui se fait cambrioler par des mecs en Black Mask. Alors bon, lui je sais pas s'il y croit, ça se trouve il a capté que c'était une coïncidence, mais pour les gens autour de lui, ça fait vraiment putain, il y a quelqu'un qui est bien implémenté dans le milieu, qui se fout de sa gueule. Et Mais oui c'est ça, moi je trouve en termes de aisance, enfin genre on est en train de créer un personnage qui si ça passe, on peut avoir l'air beaucoup plus gros de ce qu'on est, ce qui peut être pas mal pour nous devenir gros en fait. Alors, par contre, moi j'aime bien. Est-ce que c'est nous qui avons fait par le fait d'utiliser Black Mask arriver Black Mask dans ta narration, enfin dans ton scénario, où c'était déjà prévu avant, et là c'est du délire. Ça c'est des questions hors session. Oui, non, mais ce sera pas dans. Mais non. On discutera après ça. Mais fou, si vous voulez bien, si vous n'avez pas de choses à discuter in caractère, pour ainsi dire, en tant que personnage, je vous propose autre chose. Mm-hmm. Étant que il reste encore en effet l'affaire du fameux geek, le fameux hacker qui est en contact avec Jean-Baptiste. Et il se trouve donc que depuis ce fameux échange de messages qu'il y a eu lieu où en échange d'un service il vous proposait tout un quartier, il y a eu d'autres messages qui ont été échangés, notamment une demande de rencontre en face à face de votre petite bande et de lui. Vous devez voir si vous l'avez accepté, pour discuter de ce fameux petit échange de services. On aurait dû rester à l'entrepôt, on aurait fait ça à la chaîne. Je pense que dans l'idéal, ça serait bien qu'on soit, il n'y ait que JB de présent pour qu'il n'ait qu'un visage sur le Our Alibi. Bien. Parce que sinon, on dévoile tout le monde et là, il peut nous faire... Il faut noter cependant que dans les messages qu'il a envoyés, il ne vous demandait pas de prévoir un rendez-vous, il vous donnait un rendez-vous. Donc le lieu ne sera pas l'Our Alibi, le lieu sera, c'est lui qui décide où ça se trouve, et tout ça. Après vous, vous y allez aussi nombreux que vous voulez. Seulement, pas de lien avec l'Our Alibi. Moi, je veux quand même accompagner Jean-Baptiste parce que... Mmh. Je suis d'accord. Tu vas faire du corps avec moi ? Non, mais c'est pas ça. C'est que, écoute, j'ai fait. Enfin, bon, je sais qu'on a un passif, toi et moi. Mais je sais pas si tu es quand même en pleine période de sevrage et j'aimerais bien qu'il y ait une autre personne qui soit avec toi. Si on parle de négocier des choses pour l'entièreté du groupe. Si ce n'est l'entièreté du groupe. Hein. D'accord, que je tue quand même 17 ans ? Maintenant, après, on peut être présent sans être présent physiquement. Genre, toi, tu l'accompagnes déjà pour avoir une présence physique et intimidante, si jamais il y a besoin à un moment donné de faire les gros bras. Mais en même temps, voilà, on peut peut-être nous entendre à distance ce que vous êtes en train de dire d'une manière ou d'une autre, mais qui ne voit pas physiquement, qui ne voit pas nos visages, qui ne sache pas qui on est. Pour avoir une espèce de solution de secours si jamais on devait agir parce qu'il va nous faire chanter ou parce que si ou parce que ça, tu vois. Bon, let's go. Bien. Pareil, le truc des oreillettes et puis... Très bien, très bien. Ainsi donc, suivant cette même idée de configuration, des oreillettes, du garde du corps et de la personne qui va s'entretenir avec vos associés, Jean-Baptiste et Marco, vous partez donc en direction de l'adresse qui vous a été fournie, à l'heure qui vous a été... Enfin, l'heure a plus été discutée que fournie cette fois-ci. Et vous retrouvez donc à traverser la moitié en réalité de Gotham pour aller vous retrouver très particulièrement dans le quartier de Paris Island. C'est une toute petite île de Gotham qui est en dessous du vieux Gotham à mi-chemin vers Blackgate, la prison de Blackgate, pas l'asile. Une petite île donc qui est un peu résidentielle, qui est assez mal famée, il faut l'avouer, ne serait-ce que par sa proximité avec la prison. Il y a souvent eu des histoires comme quoi quand il y avait des évasions de masse et ce genre de choses, c'était la première chose à tomber, hein, cette île-là. Donc les gens n'aiment pas trop y habiter, c'est plutôt des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens a priori. Vous arrivez là-bas, devant une des nombreuses barres d'immeubles résidentiels de Gotham City. De la partie vraiment ville de Gotham City. Et vous allez à l'étage qui vous a été donné. Vous montez, c'est vrai, c'est un immeuble qui n'est pas en mauvais état, il est bien entretenu, cependant ce n'est pas un immeuble qui transpire non plus le bien-être. Bien entretenu en tout cas, on peut le dire. Et vous arrivez à l'étage, face à la chambre, enfin face à la chambre, non ce n'est pas un hôtel, c'est un immeuble, face à l'appartement 5.2, et toquant, quelqu'un vient vous ouvrir. Quelqu'un qui n'est pas, Jean-Baptiste, tu ne le reconnais pas cette personne, qui n'est pas ton cher interlocuteur, Mais un homme avec, il doit avoir la cinquantaine, quelque chose comme ça. Les cheveux noirs, il est à moitié chauve, il a une espèce de très grosse moustache, des lunettes très épaisses. Il a une espèce de petite chemise rose saumon. Il vous regarde et il fait je vous connais. On vient voir votre fils. Ah. Qu'est-ce que tu m'as encore ramené à la maison? T'entends une espèce de voix derrière d'un jeu de porte, a priori, qui gueule et qui fait laisse-les rentrer, laisse-les rentrer. C'est pour les affaires, tu comprendrais pas. Oui, je comprendrai pas, je comprendrai pas. Ouais, j'espère que vous êtes. Enfin, faites gaffe, moi il m'a ruiné tout mon porte-monnaie avec cette histoire de crypto-monnaie. Enfin bref, allez-y, rentrez. Je me retourne vers Marco, je fais bienvenue aux États-Unis. Vous rentrez donc à l'intérieur et vous avez juste un petit appartement classique du ménage moyen-bas de Gotham City. Il y a des jolies décorations, des photos de vacances, ce genre de choses. Un diplôme accroché à un mur dont il semble être bien fier vu le tableau bien orné que c'est. Et vous allez directement vers la porte qui s'en trouve où tu vois donc le fameux hacker Ulysse. Donc, je rappelle, âgé de 17, enfin 16-17 ans, quelque chose comme ça. Les cheveux un peu mi-longs, châtain clair. Il a une petit début de barbe, mais vraiment beaucoup trop éparse pour qu'on dise que ce soit une barbe. C'est vraiment la barbe du début d'adolescence, dirons-nous, si vous voyez bien de quoi je veux parler. Il a des petites lunettes un peu rondes, mais très très. Très petites. Et il est avec un sweatshirt avec tout simplement écrit I want to believe avec le logo de Batman en dessous. Et il vous fait rentrer dans sa chambre qui est décorée avec plein de posters de Pokémon, il y a des trucs d'animé, au-dessus de son lit il y a un très très très très grand poster de Hatsune Miku, le fameux Vocaloid. Ah ouais, il y a tout ce que vous voulez pour rentrer vraiment dans l'image qu'on pourrait se faire de l'informaticien moderne. Et il vous fait signe de vous installer directement sur son lit. Je suis désolé, mais j'ai qu'un seul siège. T'inquiète pas, Ulysse. C'est pas grave, tu vas t'asseoir par terre. Ah, Ulysse, je te présente un de mes... Mon ami, Marco. Ah ben, enchanté de vous connaître, Marco. Enchanté, Ulysse. Voilà, je crois reconnaître un accent de l'Est, non? Perspicace. Ouais, j'aime beaucoup les gens de l'Est, ils ont de la suite dans les idées, ils sont très bons pour les affaires. J'ai vu ça dans un documentaire sur les oligarques russes. Ouais. Oui. Je ne comprends pas la Russie et la Yougoslavie, donc... Bon, viens en fait. Très bien, alors. Je vais revenir en fait. J'ai acquis des informations très intéressantes en plaçant mes petits pions un peu par-ci, par-là, à côté chez Voka, notre ami commun... À côté, chez quelques petits gangs, ce genre de choses. Ce n'est pas difficile après de se faire un peu de pub dans ces milieux-là, donc tout le monde a voulu que je vienne un peu les aider. Mmh. Et il se trouve que The Whale aurait trouvé, a priori, mais pas encore ouvert, une cache d'armes dans les égouts de Gotham. Bien sécurisée, a priori, de l'époque où... de l'époque Falcon, de l'époque donc où tous ces gars-là avaient accès à beaucoup de choses. Et a priori, cette cache n'aurait pas été réouverte depuis cette époque-là. Et je pense que c'est une très bonne occasion pour que vous et moi, nous fassions... moi principalement, que nous fassions de l'argent. Et en échange de votre participation, pour ne pas dire que vous fassiez tout le travail, je vous offre ce que je vous ai promis, c'est-à-dire Arkham City. c'est quoi comme arme? Truc, t'en sais rien, t'as l'inventaire de ce qu'il y a là-dedans, au moins? Nous ne savons pas, vu que The Whale ne l'a pas encore ouvert. Il semblerait que ce soit derrière des portes. C'est assez sécurisé, mais je suis presque sûr, et avec un système informatique, donc, mais je suis presque sûr que notre Jean-Baptiste... non, pas Jean-Baptiste, je ne connais pas son nom. Que notre cher Bunny White ici pourrait passer cette porte sans problème, et vous, votre rôle, ce serait simplement d'être les bras pour en sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est intéressant, mais donc... J'ai un petit problème de compréhension. Mm-hmm. C'est The Whale qui a... Genre, il a trouvé, ça veut dire... Il sait juste que ça existe et il sait pas où ça se trouve. Ou maintenant, c'est à lui et il sait où ça se trouve. C'est à lui, il sait où ça se trouve. Il l'a découvert en cherchant dans tous les papiers qu'il a hérités du pingouin, de la chute du pingouin. Et a priori, le pingouin ne l'avait pas ouvert jusqu'à présent, je ne sais pas. Et The Whale ne l'a pas encore ouvert, tout simplement parce que le système informatique pose problème, et il n'a pas encore trouvé de gens assez compétents pour y passer. Il ne m'en a pas encore parlé de manière très officieuse. Peut-être qu'on ne me fait pas encore assez confiance, mais je le sais. Et maintenant, vous le savez. C'est Voka ou c'est The Whale? Attends, tu travailles pour The Whale? Tu travailles pas pour Voka, tu travailles pour The Whale. Je travaille pour moi. Je suis en freelance, comme on dit. Oui, ouais. Mais tu te lèves avec The Whale directement. Ah parce non, pas, pas directement avec lui, j'ai juste placé mes petits... On fait une image, Marco, en fait, les hackers sont des mercenaires, en fait. On travaille pour qui donne le plus d'argent, tu vas faire. Oui. Très bien. Bon. Tu veux quoi? Je veux que vous alliez sur place, je vais vous donner les coordonnées, que vous ouvrez cette cache, que vous preniez tout ce que vous pouvez en prendre, et au moment où vous l'aurez ouvert, vous me recontacterez avec un numéro que je vais vous donner, et nous en parlerons directement sur place de ce que nous allons faire ensuite du matériel. Sachant que la très très grande majorité me reviendra à moi, évidemment, je vous préviens, je vous offre déjà un quartier, sachant faire la part des choses. Bon, je pense que tu sais très bien que ça ne se passera pas exactement comme c'est comme ça. Bon, sans voir l'entrée là-dedans, parce que je sais que c'est toi qui as toutes les informations, et que, voilà, un marché... Les deux côtés, ils viennent avec leurs idées en tête, et c'est toujours un compromis. Évidemment. Ça, c'est le truc, parce que... Bon, tu as l'aile de savoir te débrouiller, tu es là, mais parce que tu es jeune, et je pense que tu n'en as pas fait beaucoup dans ta vie, je vais être honnête avec toi. On va pas laisser... si on sent qu'on se fait pigeonner, je préfère autant que ce soit Voka qui ait la cage d'armes, tu vois ce que je veux dire? Donc, on verra ça. Mais je te promets une chose, c'est qu'on va faire en sorte que tout le monde soit satisfait de cette histoire. Maintenant, il y a une chose qui me pose problème dans ce que tu dis. C'est la première question que je t'ai posée. C'est quoi qu'il y a dedans? Parce que moi, le problème, pour le moment, on va dire, j'ai pas forcément... Si jamais c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armes, ce serait génial. Mais j'ai pas la capacité de tout prendre. Donc, est-ce que tu as un ordre d'idée de ce qu'il y a à l'intérieur? Par de quelques fusils? Ou on approche des dizaines, si ce n'est des centaines? Je pense que c'est une cache très, très importante. Avec beaucoup de choses... importante à l'intérieur, beaucoup. Mais je suis sûr que vous êtes assez inventif pour trouver un moyen de déplacer tout ça. Oui, bien sûr, mais tu vois, il faut pas que je me pointe. Moi, je peux trouver autant de monde que j'ai besoin, mais si jamais je viens avec moins de monde qu'il m'en faut, c'est un échec. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être rentable là-dessus, parce que chaque type que j'embauche, je dois le payer. C'est comme ça que ça marche. Si je mets trop de mecs, je suis perdant. Si je n'en mets pas assez, je suis perdant. Donc j'ai besoin de savoir évidemment. Ce qu'il y a dedans. Je dirais... Copie, mais... si je devais me faire un nombre d'idées, et... enfin une petite idée, je dirais que... 60 personnes, ça devrait être suffisant. Ok. Très bien. Bon. Moi, je suis très intéressé par ça. Mmh. Donc, je te propose... je vais sortir 5 minutes avec mon ami. Mmh. Et on revient... pour te dire ce qu'il en est, d'accord? Très bien. Allez-y. À tout de suite. Il y a un balcon avec dans le salon, si vous, enfin depuis accès depuis le salon, si vous voulez. Ok. C'est quoi votre avis? On va d'abord dans le balcon. On va d'abord dans le balcon. Ben oui, on est au balcon, oui. Écoute, c'est ce qu'il nous faut. On va, c'est ce qu'il nous faut, effectivement. Si effectivement il y a tout ce qu'il y a, ce qu'il dit à l'intérieur. Maintenant, on sait qu'on prend un risque. On prend un risque parce que déjà, ça appartient finalement à The Whale. Et on prend un risque parce que on connaît pas ce gars-là. Bah on oui. connaît pas. Bah, crois-moi, t'as pas venu plus venir à l'intérieur de sa chambre, mais je crois que ses posters ils sont pas. Enfin bref. Je pense qu'effectivement, après tu sens Yugovi, on est très très jeune, très... enfin adulte très très jeune, mais je sais pas, ils sont pas comme ça, mais enfin bref. Marquant. Oui, voilà. Ah oui, toi, putain. Ça te dirait de fermer ta gueule un peu ce qu'il suit, d'où je viens, quelles sont mes origines? Merde. J'ai rien dit. T'as rien dit? T'as dit d'où je venais, imbécile? Il a dit ça avant même que je le dise. T'as bien écouté. Mais... Tu es très bien renseigné sur toi. Tais-toi, juste ferme ta bouche. Apprends à fermer ta bouche. C'est tout ce que je te demande. Est-ce que... Voilà. Ah, bon. Quoi qu'il en soit... C'est une opportunité. Mais il faut qu'on soit très vigilant parce qu'on ne sait pas dans quoi on va se fourrer. Et ce jeune, et peut-être lui aussi, n'est pas forcément au courant de finalement ce que c'est, réellement. La Yougovie. Ah oui, non, les armes. Alors là, Yugovi aussi, mais la cache surtout. D'ailleurs, petite question, j'avoue que je me rappelle même plus. Moi, j'étais là ou pas? Parce qu'on avait parlé d'y aller en groupe ou en petit comité, puis il y avait que JB, mais ensuite il y avait Marco et Pi. Vous êtes là par Oriette? Yassine, on est venu finalement parce que là j'ai entendu Marco de prononcer mon prénom. Oriette, on a dit que. Ah oui, c'est ça, Oriette, parfait. Oui, mais du coup, là, est-ce qu'on peut communiquer directement? Il y avait des micros, on est d'accord. Donc, on vous parle, mais on vous parle de loin. Oui, ouais, oui, oui. On okay, va bon. Expliquer, ouais, on parle, quoi. Il se sent un peu éloigné du gars pour qu'il puisse discuter avec nous. Et nous, on se situe autre part, en fait. On n'est pas physiquement ouais. présent, en fait. Si vous avez des gros vétos, des trucs que vous allez remarquer, lui, on a... J'avoue que moi, je me méfie de lui. Ouais, moi aussi. Ouais. Il est étrange. Je pense qu'il faut pas le sous-estimer en se disant qu'il est jeune et qu'il est... parce qu'il habite chez ses parents, je sais pas quoi. Okay. Non, je ne sous-estime pas. Surtout qu'il bosse, à... il bosse quand même pour Voka. Et j'ai commencé à son âge. Et Voka pourrait un... très bien nous la faire à l'envers. Hein. Avec lui. Aussi. Mmh. Aussi. Mais comme je l'ai dit à. À Marco, la plupart des hackers sont des mercenaires. Donc... ils s'en foutent des principes. Ah. Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est que de ce que je n'ai compris, il veut garder une partie des armes. J'ai préféré autant lui payer de l'argent, si vous voulez, enfin, que lui donner des armes. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par lui donner ce quartier. Est-ce que c'est pas... est-ce qu'il a autre chose de prévu avec? Parce que moi, voilà, je... est-ce qu'on lui dit maintenant ou est-ce qu'on règle sa plaie comme il a dit? Moi, comment il peut nous garantir qu'il va nous offrir Arkham City? Alors, c'est bien beau de nous donner une cache d'armes, mais c'est pas ça qui... tu peux avoir toutes les armes du monde, c'est pas ça qui va te donner forcément un quartier, parce qu'il y a plein d'autres choses à régler d'abord. S'il veut nous donner un quartier, il faut aussi qu'il nous dise comment il va nous donner ce quartier. C'est le problème. Est-ce que moi je propose de lui dire qu'on est d'accord? Est-ce qu'on le fait venir au Mayalibi pour organiser tout ça avec lui? Est-ce qu'on garde des distances strictes et on l'intègre pas au groupe du coup, vu qu'on n'a pas l'air de trouver? Tu penses qu'il faut garder une distance? Je veux donner un avis par rapport à ça, vu que je connais le milieu. On ne l'amène pas là où, même pas dans notre quartier. On rappelle que c'est un jeune hacker et qu'il est capable de faire pas mal de choses. Ok. Bah du coup... on va toujours rester et aller le voir chez son père. Et ne jamais prendre un vrai téléphone avec. Parce que tu vois, là, bon, je n'entendais pas les cryptos et tout, on va avoir besoin de ça pour blanchir de l'argent. Ça, on en fera ça plus tard. C'est pas le bon moment maintenant. Ok. Après, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai jamais acheté d'armes et la plupart des hackers que je connais n'ont jamais acheté d'armes pour les revendre. Donc c'est ce qui me pose un problème. Peut-être qu'il veut monter un truc sur Dark Web pour... Généralement, on pille les cartes bancaires des gens. On va sur le Dark Web. On se fait chier dans nos journées. Mais ça existe. Bah... tu sais, même moi, je suis pas doué en informatique. Je sais comment on peut acheter des armes là-dessus. Enfin, déjà, tu peux lui demander dans un premier temps comment il a eu connaissance de cette cache. Comment il l'a su. Où elle était, comment il a su que ça appartenait à The Well et que The Well n'a jamais ouvert la cache. Et surtout lui demander comment il compte, une fois le business, enfin le truc enclenché, comment il compte faire de nous les patrons de Arkham City. En sachant qu'on parle quand même de The Well qui est, et de plein d'autres qui sont quand même très puissants. Qu'est-ce qui va faire la différence avec lui? Bah, t'as entendu, il disait que il n'en parlerait que après qu'on ait fait le coup. Ouais, donc déjà, il y a une zone d'ombre qui n'est pas forcément bonne pour nous. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent nous la faire à l'envers. Dans tous les cas, je pense qu'il faut accepter. Et c'est juste que nous, de notre côté, il faut qu'on réfléchisse à un moyen de contrer le fait qu'il nous baise complètement. Quitte à le baiser lui, mais enfin voilà. Voilà. Donc, moi je lui dis, je répète ce que je lui ai dit, les termes de notre marché, ce sera sans doute pas ce qui pensait être ou quoi, mais on va faire en sorte qu'il y ait une part équitable pour tout le monde. Voilà. Franchement, c'est bien une mission pour le Black Mask. En mode, tu chopes dans un fourgon, tu lui mets la tête dans le sac, et avec tout ça, il est... Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu suis dans cette cache? Genre, ah non, ah, s'il te plaît, on va te buter. Non, c'est le rendez-vous d'après, en mode, ah, ça va. Bon, allez, ouais, non, vas-y. On va l'approcher. Ça va vous voir ce que j'ai dit? Non, ça me va. Allez. De toute façon, faut bien qu'on fasse quelque chose dans le Gotham Arkham City. Allez. Très bien. Vous allez le retrouver, du coup, c'est ça? Ouais. Très bien. Vous vous tournez donc dans sa chambre, vous ouvrez la porte, vous voyez qu'il vous a presque quasiment déjà oublié, il est de nouveau en train de tapoter sur l'ordinateur, en train de discuter sur Reddit ou un truc comme ça. Et quand il vous entend rentrer... Ah! Vous avez fini! Est-ce que tu es sur Reddit, toi? Bah, c'est le système neural de l'information à travers le monde! Bon, on a discuté de ta proposition. Mm-hmm. Et vous êtes d'accord? Pour tout ce qui est plan, c'est Marco, et pour tout ce qui est informatique, tu sais que c'est moi. Donc, mm-hmm. Je laisse parler d'abord Marco. Ben, on va faire comme tu nous as dit. Tu vas nous transmettre ce lieu. Mmh. On va s'occuper de le vider, d'entreposer son stock. Par contre, la seule chose, et pour être honnête, moi, c'est ce qui me fâche. Je pense que la principale compensation, la principale part de ce deal que tu auras, ce sera plus de l'argent que les armes en elles-mêmes. Est-ce que ça te convient? Ça me semble assez inégal. Tu veux monter un gang ou... Pourquoi tu as besoin d'armes en fait? Explique-moi. Enfin, explique-moi. Désolé. Mais... Pour des raisons... que pourrais-je dire sans m'incriminer trop? Pour des raisons idéologiques. Mmh. Je vois. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des posters, des pas des posters, mais genre, tu sais, des drapeaux libertariens ou genre des trucs dans ce... Alors... Don't friend me, NRA, je sais pas, n'importe quoi. C'est sûrement peut-être probable. En effet, il y a peut-être un moment, sur un porte-manteau, il y a une petite veste sur laquelle, sur la petite manche, là, il y a le petit serpent du Don't friend me. C'est possible. Idéologique. Exactement. Mais sachez que... C'est tout un quartier que vous allez avoir. Je pense que ça vaut plus que des armes, peu importe à quel point ils sont mitrailleurs ou semi-mitrailleurs, à trois coups, etc. Mais pardon, vas-y. On va parler un attentat ou ça se passe comment, Ulysse? Moi, je vais être au flanc Ulysse. Est-ce que tu as un patronat? Est-ce que tu es un patriote? Évidemment que je suis un patriote. C'est l'intérêt de ton pays que tu défends avant tout, c'est de ton peuple, de la constitution des États-Unis. Exactement. Exactement. Moi, je suis un patriote aussi. Moi, j'ai déjà pris les armes pour mon pays, tu sais. Ah ben, vu que vous êtes des voyages, j'en doute. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, j'ai dû quitter mon pays à cause des gens de la bien-pensance, des tribunaux, tout ça. Les trucs. Mais je pense qu'on a plus de choses en commun, toi et moi, qu'on pourrait le penser. Je pense aussi. Donc, on peut t'en laisser. Maintenant, tu peux vraiment pas nous dire plus parce que là, il faut que tu comprennes que là, c'est un énorme risque ce qu'on est en train de nous prendre parce que j'ai juste l'impression, honnêtement, j'ai l'impression que tu nous racontes des cracks. C'est quoi cette histoire de nous donner la ville? C'est quoi le Arkham City? Comment tu peux intéresser le temps au point que nous, on peut te laisser un stock d'armes qui nous permettrait de prendre contrôle d'Arkham City? Merci. Mes calculs sont très précis et la méthodologie que je vais mettre en place nécessite elle aussi que assez peu de facteurs inconnus viennent s'y rajouter. Donc, si je vous parle immédiatement de la manière dont je compte vous donner Arkham City, cela met le plan en difficulté et je ne peux donc le faire qu'en échange de la certitude que vous me donnerez l'intégralité des armes. L'intégralité, je ne peux pas. On ne sait pas s'il y a des armes là-dedans. Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, je vais faire venir d'autres patriotes ici. Tu comprends ça? Et ces patriotes, ils ont besoin de se battre. Donc, si jamais je n'ai rien à leur donner, nous garderons une partie du stock. C'est non négociable. Autant je veux bien qu'on se mette à discuter sur l'aspect, par pourcentage, tout ça. Mais c'est ce que je te disais au début. C'est là-dessus qu'il va falloir négocier. Je prends 3/4 de ce qui sera dans la cache et je vous parle immédiatement de comment je compte vous donner Arkham City. Marché conclu. Marché conclu ? Marché conclu. À partir de là, il n'y aura que vous qui aurez la capacité de me doubler. Ok. Très bien. Maintenant que nous sommes sûrs de ça, serrons-nous la main. Je pense que ce sont toujours des pratiques internationales que tout le monde comprendra et qui scellent les choses bien plus que par la parole. Il vous serre la main. Je le rapproche comme ça vers moi. Là, et je fais, mais dis-moi, tu sais ce qu'on fait aux traîtres à la patrie? Est-ce que tu sais c'est quoi ce qui leur arrive? Marco, traumatise pas ce gamin. Terre, parle les tripes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Écoute pas, il est un peu de la guerre. J'ai compris. Tu sais avec qui tu travailles? Oui. Tu sais ce qui t'arrive là, si tu nous doubles? Exactement. Parce que, là je veux bien écouter tes histoires, mais si je trouve une once de trace que tu travailles pour Voka encore, que tu nous doubles, ou que tu nous la mets à l'envers, est-ce que je me suis fait comprendre? Vous vous êtes fait comprendre. Il s'est fait comprendre. Non, tout le monde. Non. Vous êtes tous les deux très bien fait. Non. Tu vois qu'il se remet un peu son suite là, du coup, qu'il s'est un peu déformé quand tu lui as. Enfin, il s'était un peu débraillé, quoi. Alors, il prend un peu une canette de Monster qu'il a sur son bureau, il en boit une petite gorgée. Donc, la manière dont je vais vous offrir Arkham City, elle est simple. Ça fait un petit moment que j'ai essayé de me rendre indispensable avocat pour tout ce qui est des choses informatiques. Je lui ai inventé des petits virus, et puis je lui ai dit que j'allais l'en débarrasser, et puis au final j'ai trouvé d'autres vrais virus, sûrement certains d'entre vous, et je lui en ai débarrassé. Enfin bref, je me suis rendu indispensable, et j'en ai profité pour placer mes propres petits points d'accès, enfin bref, je vais pas vous embêter avec tout le dialogue, j'imagine que déjà ça peut être compliqué, ne serait-ce que l'anglais basique, donc bref. Tu regardes le gamin, il fait. Enfin bref, enfin, le langage informatique, c'est. C'est toute une science. Bref. Et j'ai réussi à avoir accès, après des jours et des jours, des semaines, à fouiller et à briser les défenses et à remonter les défenses derrière moi pour être sûr que tout se passe bien. J'ai réussi à trouver l'intégralité des petits à côté de Voka. Tous les petits à côté dont il ne parle pas à The Whale. Et suffisamment, je pense, pour, disons, motiver The Whale à désavouer Voka, à couper l'herbe sous les pieds de Voka, à le rendre absolument son soutien, et même plus que son soutien, d'être chassé par des hommes de The Whale. À partir de là, mes calculs sont encore à préciser, mais je pense même pouvoir le convaincre que le Our Alibi, en tant que zone neutre, sera sûrement un bon endroit pour se cacher, étant donné que tous ces hommes seront maintenant suspectés de se retourner contre lui. À partir de là, vous en ferez ce que vous voulez, et j'ai conscience que ce n'est pas directement Arkham City qui sera entre vos mains, mais ce sera au moins la capacité de faire disparaître ou de mettre à votre botte l'actuel chef d'Arkham City. Après, c'est à vous de vérifier vos plans et vos capacités à partir de ça. Ça vous va? C'est très intéressant. Mais tu vois, il faut être honnête quand on présente les choses. Parce que ce que tu nous vends, c'est la possibilité, avec un concours de circonstances extrêmement, comment dire, improbable, quand même, hein, soyons honnêtes, hein, qui va nécessiter des efforts faramineux et énormément de chance pour devenir le maître d'Arkham City. Tu vois? Ça, non, je vais t'en laisser gare, ce n'est pas un problème, mais avec d'autres personnes, ça ne l'aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Maintenant, on est partenaires, on travaille ensemble. Eh bien. Je vais te resserrer la main une dernière fois. Mm-hmm. Et on va se dire au revoir. Et tu vas nous, bien sûr, transmettre tout ce que tu viens de transmettre. D'accord? Avec plaisir. Donc tu as enquêté sur nous, j'imagine. Ce que j'ai pu trouver, oui. Ok. C'est bien, c'est bon à savoir. Eh bien, on va te souhaiter une bonne soirée, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Hein? Au revoir. Au plaisir, au plaisir. Ah, et Ulysse, j'espère que ton idéal n'est pas en lien avec qui on sait tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Voldemort? Non. Bah, c'est pas pour vous embêter, mais je dois raid un donjon dans pas longtemps, donc faut que je me prépare. Putain de merde. Alors, lui être fan de la constitution historique? Non, c'est juste un geek. Ah, d'accord. Un sorcier. Ouais, Paladin, Paladin, la classe, Paladin. Ferme-la, toi. Au revoir. Très bien. Vous quittez donc l'entièreté de l'appartement et je pense que nous pouvons nous arrêter sur cette promesse d'un avenir meilleur, sur cette promesse de grandes opportunités en échange du simple craquage d'une porte quelque part dans les égouts de Gotham.